Tony Di Martino présent, Olivier Tarabella, il est arrivé bloqué dans la ligne 3, Elham Chahir, Édouard De Noël, Émilie Trigo, Vincent Doucissé, John Jibiro, Cédric Pape et Yasmina Sadoud, Choki Haddad arrivé au conseil d'école Langevin élémentaire, Edith Félix, Brahim Akour m'a donné pouvoir, Merlin Georges, Grégoire de la Gannerie, Anne Gerval a donné pouvoir, Elham Chahir, Brigitte de la Perelle, Daouda Keïta, Jean-Claude Oliva, Valérie Bille a donné pouvoir, Vincent Doucissé, Yalana Dino, Abdelkrim Karmaoui, Anne de Rugy, Frédéric Gabin, Ndaye Mariam Diop, Kaline Tribic, Amit Chahir, Mamadou Sila a donné pouvoir, Olivier Tarabella, Manon Chrétien, Hissène Ounissi, Zora Kelly a donné pouvoir, Édouard De Noël, Mona Bellil est dans le métro, Mohamed Jenan, Sébastien Stalens, Pierre Vionnet, Laurent Jamais a donné pouvoir à Mohamed Jenan, Angéline Desbordes-Silly, Raquel Garrido, Claire Laurence a donné pouvoir à Sébastien Stalens et Solène Le Bourris. Donc, avant d'ouvrir cette séance du Conseil municipal, chers collègues, je voudrais vous inviter à observer une minute de silence en mémoire de Roger Longelin, décédé le 7 mai dernier dans sa 83e année. Il fut directeur de l'école élémentaire Joliot-Curie et élu pendant de longues années au sein de cette enceinte. Donc je vous invite à observer une minute de silence. Merci. Donc la séance est ouverte. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Manon Chrétien, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. C'est approuvé. Et avant d'examiner l'ordre du jour, on a demandé à Jean-Claude Oliva de nous faire un point sur la question de la gestion publique de l'eau. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Après le refus unilatéral du CEDIF de prolonger la convention provisoire qui le liait depuis le 1er janvier 2018 à Est Ensemble, une étape a été franchie le 1er janvier 2021. Est Ensemble assume désormais de façon effective la compétence eau et son rôle d'autorité organisatrice pour 7 de ces 9 villes. Est Ensemble est co-délégant de Veolia aux côtés du CEDIF jusqu'à la fin du contrat le 31 décembre 2023. L'établissement public territorial a voté ses tarifs, son règlement de service et perçoit désormais une part de la facture d'eau. Des négociations au niveau technique se sont engagées avec le CEDIF et avec Veolia. Pas moins de 6 rencontres et de multiples échanges de courriers ont eu lieu avec le CEDIF et ont permis de constater un blocage important sur la séparation des biens, le CEDIF ne semblant pas prêt à envisager un partage équitable. Pourtant, selon la loi et une jurisprudence constante et forte, le partage des biens doit garantir un partage équilibré. Les principes sont la neutralité financière et l'équité. Au niveau technique et politique, le lien a été renoué avec Eau de Paris et la ville de Paris. Patrice Bessac, président d'Est Ensemble, et moi-même avons rencontré Dan Lert, président d'Eau de Paris et adjoint à la maire de Paris. Et à cette occasion, Eau de Paris a réaffirmé son soutien politique à tous les territoires engagés dans le retour en gestion publique et sa disponibilité pour approvisionner Est Ensemble en eau potable. Après plusieurs mois de travail acharné, apparaît donc une vision plus complète, plus exacte et plus précise que jamais de la situation et des conditions pour mettre en place la régie publique. Sur cette base, les maires et les formations politiques d'Est-Ensemble se sont prononcés à l'unanimité pour le scénario de gestion publique le plus complet et le plus ambitieux. Donc cet accord politique unanime des 9 maires et de tous les groupes politiques d'Est-Ensemble est intervenu mercredi 19 mai en faveur, donc je disais, de ce choix d'une régie publique complète et de l'engagement de la dernière phase de négociation avec le CEDIF. Fort de ce mandat, le président Bessac a rencontré M. Santini. Il en est ressorti la volonté commune de trouver une solution négociée et respectueuse des deux collectivités. Depuis, de nouvelles discussions ont eu lieu au niveau technique qui, jusqu'à ce jour, n'ont pas permis d'aboutir à un accord. En cas d'échec de ce dernier round de négociations, le Conseil de territoire prévu mardi prochain, le 29 juin, votera la saisine du préfet de région sur la répartition des biens. Pour les usagers citoyens, l'enjeu est de taille. Avec la régie publique, une baisse des tarifs de 20 centimes d'euros par mètre cube est possible dès le 1er janvier 2024. Au même moment, le CEDIF va augmenter massivement les siens, avec une hausse comprise entre 19 et 35 centimes d'euros par mètre cube. En effet, lors de son comité syndical du 27 mai, le CEDIF a fait le choix du tout privé pour l'après-2023, avec des investissements pharaoniques dans la généralisation de l'osmose inverse basse pression, un procédé qui aura aussi de lourdes conséquences pour l'environnement. Multiplication par 3 de la consommation énergétique de ces usines, prélèvement d'eau supplémentaire, rejet de polluants dans la Seine et la Marne. Tout cela nous conforte dans notre choix de la gestion publique et nous sommes tout près du dénouement pour la réaliser. Merci Jean-Claude pour ce point important. Je vous propose d'ouvrir l'ordre du jour, approbation du compte rendu du conseil municipal. Je n'ai pas eu d'observation à ce sujet. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération suivante, charte de déontologie. Quelques mots avant l'ouverture de ce débat, chers collègues. Ce soir, nous sommes amenés à délibérer sur plusieurs délibérations qui émanent directement des travaux du groupe de travail transparence de la vie publique qui s'est réuni à plusieurs reprises ces dernières semaines. Le 29 janvier, le 8 avril, puis lors d'une dernière séance, le 6 mai dernier. Nous avons pu échanger sur les mesures à mettre en place qui nous semblaient de nature à consolider le pacte démocratique qui nous lie à la population. La confiance entre les élus et la population ne se décrète pas. Elle se construit dans le temps sur des bases qui se doivent d'être consolidées au jour le jour, avec des garde-fous qui permettent de prévenir des situations problématiques ou qui pourraient le devenir. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il nous est proposé d'adopter cette charte de déontologie qui constituera le socle de notre engagement commun en faveur de davantage de transparence dans la vie publique locale. Avec cette délibération, cette charte et les délibérations qui suivront, il nous est également proposé de créer une fonction bénévole de déontologue. Le cœur de cette mission nouvelle que nous vous proposons d'instituer est de prévenir les conflits d'intérêts qui pourraient advenir. Il ne s'agit pas ici de dire qu'avec un déontologue, tout risque serait automatiquement écarté, mais précisément de créer les conditions permettant de prévenir les situations à risque et de gérer les situations problématiques qui surviendraient alors. Chers collègues, la vie politique et publique s'incarne chaque jour dans des êtres humains qui, par définition, sont faillibles. Ce qui nous est proposé ce soir est de poser un cadre collectif qui doit nous permettre de mettre davantage de confiance et de transparence dans la vie publique locale. Je vous remercie de votre attention. Qui souhaite s'exprimer ? Madame Desbordes-Silly. Bien, alors, quelques mots évidemment sur cette charte de déontologie. Bien entendu, on se réjouit de l'adoption d'une charte de bonne conduite rappelant aux élus leurs devoirs et leurs obligations. L'adoption de cette charte intervient dans le contexte des affaires que nous connaissons et après la démission d'un élu de votre majorité mis en examen pour corruption et trafic d'influence. Avec cette charte que vous nous proposez d'adopter ce soir, nous voudrions voir un premier geste, un premier signal fort du changement de culture politique que nous vous réclamons depuis des mois. Nous voudrions y voir également la volonté d'inscrire cette mandature dans une démarche d'éthique et de transparence et la volonté de rompre avec les pratiques délictueuses ou déontologiquement incorrectes que vous n'avez pas pu ou pas voulu empêcher jusqu'à présent. Cette charte que nous allons adopter ce soir nous engage toutes et tous collectivement. Elle nous rappelle nos devoirs et nos obligations. Elle nous rappelle que nous n'avons pas été élus pour servir nos intérêts personnels ou ceux de nos proches, mais pour servir à l'intérêt général. C'est un des dispositifs qui permettra de restaurer progressivement la confiance des électeurs et des électrices et de lutter contre la suspicion que nous inspirons trop souvent. Alors, bien entendu, dans cette charte, il y a beaucoup de bonnes choses, hein, comme la création d'un registre des déports, la publication des indemnités en euros. À ce sujet, il est quand même dommage d'avoir attendu un an de mandat avant d'avoir publié sur le site de la ville les indemnités que vous percevez. Alors, peut-être vous allez me dire que ce sera à mettre en relation avec la refonte du site web qui devrait arriver. Nous sommes également, évidemment, on en rediscutera tout à l'heure, évidemment, satisfaits de la nomination d'un déontologue qui sera chargé de veiller au respect de la charte de déontologie. En revanche, il manque un certain nombre de dispositions que nous avions eues, Solène Le Bourris et moi-même, l'occasion d'évoquer dans la seconde réunion de transparence du groupe de travail relatif à la transparence de la vie publique locale. Et d'abord, l'incitation, puisque ce n'est pas une obligation légale, l'incitation à remplir une déclaration d'intérêt sur la base du volontariat. C'est pareil, la déclaration d'intérêt de patrimoine, votre déclaration d'intérêt de patrimoine, monsieur le maire, que vous avez déclarée sur le site de l'HTVP, n'est pas sur le site web. C'est dommage, au bout d'une année de mandature, que ce ne soit pas le cas. Ensuite, la nomination d'un déontologue est évidemment une bonne chose, mais on peut regretter aussi que vous n'alliez pas plus loin en créant une commission éthique et transparence. Alors, on en discutera, mais j'ai cru comprendre en lisant, en interprétant la feuille de route du déontologue, que le déontologue pourra être interpellé, saisi par des tiers. Alors, je ne sais pas ce que vous mettez par tiers, mais j'imagine que c'est l'ensemble des administrés, des citoyennes et de nos concitoyennes et concitoyens. Mais une commission allant au-delà, on peut imaginer, dans un certain nombre de communes, les commissions sont constituées en particulier d'élus, de la majorité, d'opposition, mais aussi de citoyennes et citoyens qui sont tirés au sort. Rien non plus sur le respect des élus minoritaires. À ce sujet, j'aimerais quand même dire un mot sur la façon dont se déroulent les opérations électorales à Bagnolet. Je vous ai envoyé, monsieur le maire, un mail ce matin, donc je découvre qu'à Bagnolet, bien sûr, mais c'était, vous m'avez répondu à moi, donc j'aimerais en faire profiter l'ensemble du conseil municipal. Je découvre, puisque c'est la première élection à laquelle j'appartiens en tant qu'élu, que ici, les oppositions, enfin l'opposition, puisqu'en l'occurrence nous sommes un groupe uni, sont écartées des opérations en tant que... Alors, vous nous avez conseillé d'être assesseurs de parti, ce n'était pas le sujet. On sait tous comment fonctionnent les assesseurs de parti. Nous sommes suffisamment responsables et avertis pour nous mettre en relation avec nos partis respectifs. Il ne s'agit pas de ça. Dans un certain nombre de communes, de collectivités, y compris dans des collectivités de droite, les oppositions sont parfois visteuses. On propose aux oppositions des vice-présidences de bureau. J'ai, pendant des années, été vice-présidente du bureau de vote. Aujourd'hui, dans une collectivité de gauche, progressiste, nous sommes tout bonnement évincés des opérations de vote électoral quand on sait ce qui se passe. Les suspicions qui ont été évoquées il y a déjà un an, pour lesquelles il y a eu un certain nombre de procédures judiciaires qui ont été initiées, il aurait été de bon ton, me semble-t-il, qu'on soit associé davantage à ces opérations de vote. Ensuite, le dernier point, c'est l'absence dans cette charte de déontologie. Il n'est pas évoqué la notion de citoyenneté, la notion de contribution des administrés à l'élaboration des politiques publiques. Alors évidemment, ce n'est pas obligatoire, on met ce qu'on veut dans une charte de déontologie, mais ça aurait été pas mal. Et moi, j'aimerais dire un mot pour terminer là-dessus, sur le fait qu'il y a, dans cette ville un certain nombre de contentieux avec des administrés. Alors, je vais penser, évidemment, on pense aujourd'hui à ce qui se passe à la Bergerie, mais au dernier conseil municipal, il y a une affaire qui a été évoquée, qui n'avait rien à voir avec la demande de protection fonctionnelle qui était faite, qui impliquait Madame Ismera Zogar. Elle a été évoquée, bien malgré elle, je ne sais pas ce qu'elle fichait dans ce débat-là. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a des situations comme ça de relégation, de souffrance, qui ne sont pas traitées. Bon, alors ça a donné lieu à une manifestation des Gilets jaunes et un déploiement des forces de l'ordre assez inédit dans notre ville il y a quelques jours. Il serait bien qu'on puisse travailler de concert avec l'ensemble des administrés, y compris avec les administrés avec lesquels vous avez des désaccords d'appréciation, sans qu'on arrive à ce genre de situations qui sont à la fois des situations d'immense souffrance pour ces gens-là et aussi qui sont des situations qui desservent l'image de notre ville. Voilà. Merci. Quelques éléments de réponse, Madame Sy, concernant mes propres déclarations d'intérêt. Je vais les publier sur le site de la ville. J'y étais par le passé, donc j'ai aucune difficulté à publier les documents qui me concernent. Sur la tenue des bureaux de vote. Effectivement, à chaque fois, vous nous opposez votre présence récente dans notre ville. Donc, je me permets de vous signaler que jamais dans cette ville, sauf lorsqu'il y avait des bulletins de vote, les oppositions étaient appelées à vice-présider des bureaux de vote. Je vais lire, pour que ce soit clair pour tout le monde, l'article R43 du Code électoral. Puisqu'il y a visiblement une confusion dans vos propos. Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. À leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux, les électeurs de la commune ou à défaut par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune. Donc, si vous voulez laisser entendre qu'on manquerait de transparence en n'ayant pas proposé à des élus d'opposition d'être vice-président de bureau de vote, je rappelle que les vice-présidents sont désignés par le président. Et d'ailleurs, si vous souhaitez, et d'ailleurs, je vous invite, si vous le souhaitez, à venir tenir des bureaux de vote en tant que militant politique ce dimanche, je vous invite, comme j'ai eu l'occasion de le faire, à venir, si vous le souhaitez, présider des bureaux de vote pour la consultation citoyenne le 3 juillet concernant l'avenir du collège travail. Il n'y a aucune difficulté à ce sujet. Peut-être que votre confusion relève du fait que dans certaines villes, les maires ont été amenés à faire appel à tous les conseillers municipaux puisqu'il s'agissait de 12 scrutins avec des scrutins papier et que nous, avec les machines à voter, on avait la possibilité, l'autorisation par les textes d'avoir un seul président et seul vice-président, mais c'est sans doute mieux ailleurs dans les Yvelines, Madame Sylvie. Émilie Trigot, rapidement. Oui, très rapidement, juste sur ces histoires de bureaux de vote, puisque effectivement, Monsieur le maire a déjà répondu précisément, mais dans les villes où il y a demande des élus d'opposition de tenir des bureaux de vote, c'est surtout toutes les villes où il y a plus de bureaux de vote que d'élus dans la majorité. Il ne vous a pas échappé qu'ici, ça n'est pas le cas. Ensuite, deuxième chose, il ne vous aura pas échappé non plus que les autres élus de la majorité ne sont pas vice-présidents et qu'effectivement, il a été fait le choix que les vice-présidents sont dans chaque bureau de vote désignés par les élus qui les président. Et c'est aussi pour ça que dans quelques bureaux de vote, il n'y a pas de vice-président. Et enfin, vous aurez noté une troisième chose, c'est que contrairement à ce que la circulaire préfectorale qui a été publiée cette semaine, la mairie, la ville, a fait le choix de ne pas réquisitionner les élus d'opposition pour être assesseurs dimanche, chose que nous aurions pu faire. Il vous a été... chose qui était demandée par la préfecture. Nous avons fait le choix de ne pas réquisitionner les élus d'opposition, mais de vous demander citoyennement de bien vouloir participer à ces opérations électorales. Et à ce titre, je remercie Pierre Vionnet, qui sera assesseur suppléant dimanche dans les bureaux de vote. Et je remercie y compris les partis politiques que sont la France Insoumise, le Parti communiste français et EELV, dont les représentants m'ont contacté pour qu'on puisse mettre en place une liste d'assesseurs titulaires et suppléants d'Union de la gauche pour ces élections régionales. Je regrette, Madame Desbordes-Silly, que seul votre parti politique n'en ait pas fait de même. Alors, mon parti politique, ça ne vous a pas échappé, mène depuis le premier tour des régionales une élection avec Europe Écologie Les Verts. Ça a dû vous échapper. Ensuite, il n'y a pas de confusion dans mon esprit, c'est simplement un choix politique. Vous évincez les oppositions. Mmh. On ne vous demande pas d'être assesseur de parti, on vous demande simplement de pouvoir vice-présider des bureaux de vote comme ça se fait ailleurs. C'est un choix politique vous assumez. On vous évince de rien, Madame Desbordes-Silly. Vous serez toujours la bienvenue pour travailler. Monsieur Vionnet. Oui, juste une précision, effectivement, ce que disait ma collègue Angeline Desbordes-Silly, c'était absolument pas, effectivement, le choix de s'engager comme assesseur ou on n'a pas besoin qu'on nous le demande ou même qu'on nous remercie. Voilà, j'ai en lien avec l'équipe de campagne de Julien Bayou, je serai assesseur. Mais là, la demande qui était faite, ce n'était pas le choix individuel qu'on peut faire les uns ou les autres d'être assesseur dans un bureau de vote comme représentant d'un parti politique. C'était effectivement cette affaire de composition des bureaux de vote. Et bon, j'entends bien les explications. Qu'il y a moins de bureaux de vote que d'élus de la majorité. Cela dit, effectivement, comme l'évoquait Angeline, rien ne vous empêche de solliciter des élus d'opposition pour être président ou vice-président, puisque il peut aussi y avoir un accord avec les présidents pour qu'ils désignent des vice-présidents issus de l'opposition, ce qui serait juste... Alors, on n'en fait pas... On n'en fait pas une revendication absolue et on vit très bien comme ça, mais ça nous semblerait plus conforme à une démocratie apaisée. Édouard de Noël. Bonsoir à toutes et à tous. Je voulais revenir quelques instants sur la charte et son dispositif, c'est-à-dire la charte, le déontologue et les éléments que vous trouvez ensuite en délibération relatifs à la formation des élus. Je veux revenir dessus parce que je pense que c'est quand même un grand pas. Alors, vous l'avez dit, c'est une charte ambitieuse, il faut le dire, qui reprend des dispositifs qui sont mis en place dans des villes très avancées en la matière. Je pense à la ville de Strasbourg, parce que si vous faites un tableau comparatif, vous retrouverez nombre d'éléments qui sont similaires entre la charte que nous allons voter, j'espère, ce soir, et celles qui sont déjà en œuvre dans des villes comme la ville de Strasbourg. C'est un grand pas aussi que d'avoir... choisi de désigner ce déontologue municipal. Ça nous tenait à cœur, nous, Bagnolet en commun, parce qu'on l'avait porté depuis le premier tour de l'élection municipale. Et aussi, et je pense que ce n'est pas la moindre des choses, et dans mon souvenir, ça revient, cette proposition du groupe de travail, les éléments de formation des élus, parce que accompagner, expliquer, prévenir les risques, les dérives, monsieur le maire l'a dit, ce sont des humains qui exercent leur mandat. Ça nous semble absolument nécessaire. Enfin, notre groupe forme le vœu que cette charte, puisque vous avez émis quelques réserves, que cette charte soit un objet juridique vivant, qu'on y revienne, qu'on l'améliore, alors pas tous les quatre matins, mais qu'on puisse périodiquement peut-être aider d'ailleurs des recommandations qui seront faites par le déontologue désigné, qu'on la renforce, puisque l'objet juridique et politique que nous avons sous les yeux ce soir n'est pas parfait, mais il est déjà très avancé. Charge à nous de l'améliorer collectivement, et aussi parce que cette charte, elle est nécessaire, encore une fois, pour apaiser le débat et éviter qu'on ramène sempiternellement des rumeurs sur la qualité des opérations électorales, la façon dont on se parle dans la ville. Je pense que ça sera un élément qui va peser, ça vous fait sourire, un élément qui va peser en la matière. Je vous remercie. Merci. D'autres remarques ? Solène Le Bourris. Oui, bonsoir, j'ai déjà une question. Cette charte, en fait, elle concerne l'ensemble des élus ou seulement les élus de la majorité ? Parce que ce qui me dérange, alors effectivement, je souligne, enfin, je trouve très bien hein, cette charte, mais... Mettre sur le même plan les élus de la majorité et les élus de l'opposition me dérange, puisqu'on n'est pas tout à fait... Il y a quand même un distinguo entre les deux. Déjà, on n'a pas de délégation, on n'a pas de responsabilité, on n'a pas d'indemnité, on n'a pas d'enjeu. Donc, moi, par exemple, je parlais de moi, mais je peux aussi parler de mes collègues, on n'est pas soumis à la corruption du fait que nous sommes, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Et après, je l'ai lu donc, avec grand intérêt. J'ai même participé aux commissions de cette charte. Et je m'étonne de certains articles, parce que parfois, il y a des articles où ça n'a pas lieu d'être. Ou, par exemple, quand on parle du logement social, je pense que les bailleurs sociaux font une enquête sociale. Donc, il n'y a pas besoin d'inscrire cet article dans la charte, puisqu'il y a une enquête sociale. Et qu'à partir du moment où l'enquête sociale est remplie, le locataire, si le bailleur estime que ses revenus sont supérieurs, soit il a un surloyer, ce qui est totalement normal, ou alors ils lui demandent d'aller chercher autre chose, mais ce qui n'arrive rarement. Donc, même ces articles-là, c'est cette volonté est bien, mais à trop vouloir peut-être trop faire, parfois on est à côté et même hors sujet. Donc, et du coup, je me dis, les gens qui sont issus des quartiers populaires, ça leur donne peut-être pas envie d'être élus, parce qu'ils se disent, ben, du coup, s'il y a cet article-là, on va peut-être me retirer mon logement mon logement, ou on va me demander de déménager, alors que ça, c'est pas, enfin, la loi ne le stipule pas. Donc, peut-être revoir certaines choses où c'est assez, je trouve, là, trop, pour moi, trop développé. Merci. Jean-Claude Oliva. Oui, je voudrais moi aussi exprimer notre satisfaction sur ces trois délibérations autour de la déontologie. Effectivement, c'est un premier pas important et concret qui manifeste notre volonté d'avancer et puis de tirer un trait sur les affaires qui ont été dénoncées ces dernières semaines. Tout n'est pas, on n'a pas tout inventé, hein, on s'appuie sur les meilleures expériences, sur les meilleurs outils. Édouard citait la ville de Strasbourg, effectivement, elle est exemplaire, et on reprend en grande partie ce qui est déjà en place dans cette ville depuis plusieurs années. On aura l'occasion de faire le bilan, au bout d'un certain temps de tout ça, d'y revenir dessus, de faire des améliorations si nécessaire. Moi, je regrette un peu, alors j'entends ce que disent mesdames Le Bourris et de Bordes-Silly. En même temps, ces remarques-là auraient pu venir en commission et auraient pu améliorer la proposition qui est soumise ce soir. Bon, c'est dommage. J'espère que la prochaine fois ça sera le cas et que lorsqu'on fera le bilan, vous y participerez et vous ferez aussi des propositions d'amélioration. En tout cas, moi je reste sur une note positive et constructive de ce qui est réalisé et proposé ce soir. Olivier Tarvella. Bonsoir à toutes et à tous. Moi je veux me féliciter comme mon collègue Jean-Claude Oliva, que nous puissions aborder ces sujets ce soir. Je rappelle que le maire de Bagnolet est engagé à ce que nous puissions délibérer sur ces questions avant l'été, et c'est bien ce qui est proposé ce soir, donc cet engagement déjà est tenu. Nous allons assez loin dans ce qui est proposé pour une commune de notre taille, et ce que nous proposons ce soir, on a quand même plutôt l'habitude de le voir dans les grandes métropoles de plus de 100-200 000 habitants. Ce qui place quand même Bagnolet très en avant sur ces questions pour une commune de sa strate, et je pense qu'il faut s'en féliciter. Je suis un peu déçu de votre intervention, Madame Desbordes-Silly, parce que vous avez souhaité, dans un premier temps, participer à nos réunions de groupe de travail sur ces questions avec Madame Le Bourris. Vous avez formulé des propositions, certaines ont été retenues, d'autres on avait des points de désaccord, mais vous n'avez pas participé aux tout derniers travaux. On a justement eu des documents quasi finalisés sur la table et dont on aurait pu justement débattre des points que vous avez soulevés ce soir et peut-être converger sur certains. Je suis déçu aussi du fait que vous n'ayez pas, par rapport à ce que vous avez dit dans votre intervention, proposé d'amendements. Certains, nous aurions pu les regarder positivement, d'ailleurs, au regard de ce que vous avez dit. Il n'y a encore aucun amendement, de mémoire, qui a été proposé par l'opposition dans cette mandature. Nous avions, dans la mandature précédente, Madame Le Bourris s'en souviendra, sur la révision du PLU, par exemple, adopté, je crois, 15 des 20 amendements proposés par l'opposition. Donc, il y a des sujets sur lesquels on peut converger, on peut travailler ensemble. On avait Madame proposé des amendements au règlement intérieur. Il n'a pas terminé. Ce que disait Madame Le Bourris, je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur le fait que élus de la majorité de l'opposition doivent être traités différemment sur cette question. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle c'est bien une proposition qui est faite pour l'ensemble des élus du conseil municipal. Oui, les élus de l'opposition, par nature, n'ont pas de délégation, mais ce n'est pas forcément à ce niveau-là que se situe le risque. Les élus de l'opposition siègent, pas toujours, mais siègent en principe, dans les commissions municipales, commission d'appel d'offres, commission de sélection des demandeurs de logement, et même s'ils sont minoritaires en nombre dans ces commissions, s'ils ont connaissance de certaines informations et s'ils souhaitaient, ce n'est pas du tout une accusation que je vous fais, attention, hein, s'ils souhaitaient porter des intérêts privés en essayant de faire converger la décision commune vers plutôt telle ou telle entreprise qu'une autre, vers plutôt tel ou tel demandeur qu'un autre, ils auraient la même capacité de le faire qu'un élu de la majorité. Alors certes, ils seraient dans une position minoritaire, mais techniquement, ils pourraient se retrouver dans la même situation. Donc, le risque existe de la même manière. Le risque existe de la même manière. Et parce qu'il existe de la même manière, même si le potentiel de réalisation est peut-être plus faible, il doit être traité de la même manière. Des élus d'opposition qui ont fait l'objet dans le passé, dans d'autres collectivités, de condamnations pour trafic d'influence, pour favoritisme, pour ce type de délit, il y en a plein. Parce que les personnes, quand ils viennent voir des élus, ils viennent voir des élus, et parfois le côté délégation, pas délégation, majorité, opposition, les dépasse. On a plein d'exemples comme ça. On a plein d'exemples comme ça. Et donc, mais encore une fois, ne le prenez pas pour vous, Mme Desbordes, on est dans un truc théorique. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Pareil pour, par exemple, des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, il y a des exemples en la matière. Donc, il y a une possibilité que se fasse ce genre de situation. Donc, on doit couvrir l'ensemble des cas. Et par ailleurs, je ne pense pas que chacun perde son temps à recevoir une formation sur ces questions d'exemplarité, de déontologie, d'éthique. Voilà. Et comme on l'avait dit, et c'était important aussi pour M. De Noël, ça ne se fait pas au détriment des droits à formation des élus par ailleurs. Et ce n'est pas parce qu'on financera pour tout le monde une formation sur ces questions que vous n'aurez pas le même droit, de manière totalement autonome, d'avoir accès aux formations que vous souhaiteriez par ailleurs. Et ça, on avait dit dans les réunions qu'on était très attaché à ne pas, voilà, ne pas mettre en question ce sujet. Madame Le Bouris. J'ai une question. Donc la formation, ça sera avec nos crédits de formation ? En plus. En plus ? En plus. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Juste, ouais. Et puis on va pas, parce que je veux pas trop m'attarder là-dessus, mais j'insiste, enfin, à moins que vous soyez capable de me donner un exemple bien concret, Monsieur Tarabella, sur les élus d'opposition qui pourraient, où il y aurait des conflits avec les élus d'opposition, mais je confirme, c'est impossible. Enfin, je veux dire, je vais parler de moi parce que je vais pas parler de mes collègues, mais ils seront d'accord avec moi, mais on n'a aucun pouvoir dans cette majorité avec vous. Enfin, je veux dire, c'est là où quelque part je trouve que c'est pas très honnête en fait de mettre sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire que moi, la première chose que je précise quand je suis en contact avec tous les administrés, d'ailleurs, on est enregistré, on est regardé. Je vous dis, nous sommes très très accessibles. Quand j'écris aux élus de la majorité, j'écris en ma qualité d'élu d'opposition, mais justement, je précise, voilà, je fais connaître votre situation, mais malheureusement, je ne pourrai plus. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est pas du jeu de faire croire aux administrés, aux bagnoletais, que les élus de l'opposition et les élus de la majorité sont au même plan d'égalité. Non, c'est pas vrai. Et on le voit bien comment ça se passe au niveau du conseil municipal quand des fois on donne des propositions et de la manière comment on est traité. Enfin, on l'a bien vu au conseil municipal précédent. Si ça avait été le cas, par exemple, on aurait eu peut-être certaines satisfactions. D'autres observations ? Madame Sidi. Oui, très très rapidement, et puis après on va peut-être passer. Alors moi j'avais deux mots à dire sur la formation, parce que bon, je pense qu'on échange sur l'ensemble des trois délibérations. Oui. Ok, donc sur la formation, nous avions avec Solène indiqué lourdement que nous ne souhaitions pas nécessairement bénéficier de cette formation dans la mesure où, quand on est élu d'opposition, j'insiste là-dessus, on est incorruptible dans la mesure où on ne dispose d'aucun pouvoir d'aucune sorte. Olivier Tarabella, je vous invite à nous donner un exemple lors du prochain conseil municipal d'élu d'opposition communale, je ne parle pas des échelons départementaux régionaux, qui aurait été mis en examen ou interpellé dans une affaire de corruption alors qu'il dispose d'aucun... Nous n'avons aucun moyen. Notre seul pouvoir, c'est d'être un contre-pouvoir, d'être une vigilance et de vous indiquer un certain nombre de mesures à prendre, ou en tout cas c'est la seule chose à quoi on sert. Bon, on est donc on avait bien indiqué en groupe de travail transparence que nous ne souhaitions pas nécessairement prendre part à ces formations, dans la mesure où ça consommait du crédit de formation, que nous sommes libres, vous ne pouvez pas nous imposer d'assister, d'ailleurs ça relève de la liberté des conseillers d'être formés ou pas formés et de choisir la formation à laquelle on souhaite participer. Donc ça, c'était un premier point que nous avions indiqué, manifestement, qui n'a pas été entendu. Et puis sur le deuxième élément, c'est je vous noue le défi de trouver un exemple d'élu d'opposition qui ne dispose d'aucun pouvoir, qui aurait été pris la main dans le sac. Marc, écoutez, oui, non. Vous avez souhaité que les crédits formation des élus ne soient pas impactés par la présente délibération, par la délibération suivante. C'est le cas. Vos crédits de formation ne seront pas impactés et ça me paraît important de le souligner, c'était votre demande. Bien, très bien. C'était votre demande. Donc, les crédits de formation qui seront proposés dans le cadre de cette délibération, c'est un plus. Voilà, je tenais à le préciser. Donc, je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est approuvée. Formation des élus locaux. Donc, nous venons d'en parler. Il s'agit d'abonder les crédits de formation des élus. Est-ce qu'il y a des observations? On en a parlé. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Appel à candidature, création d'un poste de déontologue. Donc, on s'était engagé sur ce sujet. On se propose de créer un poste de déontologue à la ville de Bagnolet et de créer une commission de désignation, commission spéciale de nomination d'un déontologue qui associerait sur la base de la représentation proportionnelle, comme c'est le cas dans toutes les commissions, majorité et opposition. Est-ce qu'il y a des observations? Pas d'observation. Qui est pour la création du poste de déontologue? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Je vous remercie. Désignation de la commission spéciale de nomination. Donc il s'agit de communiquer les noms des différents membres de cette... Donc Olivier Tarabella. Donc pour mon groupe, il s'agira de Monsieur le maire, d'Émilie Trigaud et de moi-même. Édouard. Moi-même et Yasmina Sadoun. Jean-Claude. Vincent Doucissé et moi-même. Pour vous. Deux. Ok. Donc je vous propose d'approuver la désignation de cette commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Indemnité des élus, mise à jour du tableau. Est-ce qu'il y a des remarques particulières là-dessus? C'est vrai qu'on a tardé à publier les indemnités en euros des élus sur le site de la ville. J'en suis désolé. Et ce n'est pas lié à la refonte du site. C'est juste que ça n'a pas été fait. Allez-y. Oui, non, mais juste un mot, je vais répéter ce que j'ai dit. Même dans le cadre d'une délibération telle que celle-là, il est toujours mieux, en termes de transparence, puisqu'on parle beaucoup ce soir de transparence, de publier les indemnités en euros, puisque là, c'est absolument incompréhensible pour la plupart d'entre nous. Ce sera publié sur le site et ce sera dans le procès-verbal du conseil municipal. S'il y a d'autres observations, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé, je vous remercie. Mise à jour du tableau des effectifs. Donc, il s'agit d'une délibération classique avec des transformations, des suppressions, créations de postes suite à des réussites au concours qui vous sont présentées et des créations de postes, notamment... chez les ASVP. Est-ce que vous avez des observations là-dessus, Monsieur Lyonnais? Oui, pas d'observation sur le fond de cette délibération, sur laquelle nous nous abstiendrons toutefois, considérant que les informations dont nous disposons en matière de personnel et de finances sont souvent insuffisantes. D'ailleurs, je profite de ces trois mots. Pour évoquer le fait qu'on avait examiné en commission 1 finance une décision modificative du budget dont vous nous avez annoncé en conférence des présidents qu'elle était retirée hein, Et si j'ai bien noté les mots de M. Tarabella, à la demande du préfet qui considérait que la couverture des remboursements de capital par les ressources propres était insuffisante et que d'ailleurs le préfet avait saisi la Chambre régionale des comptes. Bon, voilà, je pense que ça montre quand même un certain manque de confiance, à tout le moins, pour employer des mots modérés, de l'État dans la gestion financière de la ville, parce que c'est tout de même pas un procédé fréquent. Là, depuis la conférence des présidents, j'ai fait appel à mes souvenirs, en tout cas, mais qui sont peut-être mauvais, mais en tout cas, dans mes années de pratique en collectivité ou dans des organismes satellites, c'est vrai que j'ai pas de souvenir d'intervention préfectorale de cette nature. Et puis peut-être juste, alors que si j'ai bien compris, et je parle sous votre contrôle, M. Tarabella, cette décision est importante en termes de calendrier, puisqu'elle portait essentiellement sur des renégociations d'emprunt, et comme nous savons tous, les offres des organismes bancaires avec les taux ne sont pas des offres de longue durée, et donc d'attendre est susceptible de dégrader la nature de ces offres. Et du coup, j'en profite aussi pour poser une question, juste pour être rassuré, pour savoir si le budget que vous avez voté au mois de mars a bien franchi les étapes des contrôles préfectoraux de manière positive. Alors, une remarque d'abord concernant le tableau des effectifs, juste pour vous préciser que, comme toutes les délibérations de ce type, il passe au préalable en comité technique avec les représentants du personnel et qu'il a été voté à l'unanimité des membres du CT, représentants de la collectivité et élu. Olivier Tarabella. Alors, le budget primitif est bien à l'équilibre pour ce qui est des recettes et des dépenses dans les deux sections de fonctionnement et d'investissement. Donc, sur le plan budgétaire, il est valide. Il n'a pas été déféré d'ailleurs au tribunal administratif par le préfet. Donc, il a estimé qu'il n'y avait pas de difficulté de ce point de vue-là. Ce qui s'est ensuite passé, je vous l'ai expliqué donc en commission, c'est qu'au stade de la reprise des résultats d'exercice précédent, un des ratios prudentiels, qui est donc le ratio dit d'équilibre réel, qui est donc un ratio comptable et non budgétaire, s'est retrouvé sous le ratio réglementaire, non pas au stade du BP. Et c'est pour ça que le BP lui-même, d'ailleurs, en lui-même ne pose pas de difficulté. Ce qui pose problème, c'est la reprise des résultats d'exercice précédents. Ce qui amène donc cette procédure préfectorale. Évidemment, dès lors que Bagnolet est en réseau d'alerte depuis 2012, du fait de sa situation financière, la préfecture regarde l'ensemble des documents budgétaires de la ville de très près. Ce qui a amené donc cette procédure, qui est une procédure en fait un peu fermée, c'est-à-dire que le préfet doit saisir la Chambre régionale des comptes, qui doit revenir vers la ville pour lui formuler donc des propositions pour corriger cette situation. Le magistrat de la Chambre régionale des comptes donc, a échangé avec la direction générale de la ville, a estimé, puisqu'on est sur un montant en gros de 130 000 euros sur un budget de 130 millions, donc autant vous dire que voilà, c'est 0,01 point qui pose difficulté. Il ne voit pas de difficulté à ce qu'on corrige cette situation. Là où il y avait une situation un peu ubuesque, c'est que l'adoption de la décision modificative aurait réglé cette situation, puisqu'elle elle ramenait 600 000 euros de recettes fiscales, qui donc amélioraient notre phytofinancement et qui refaisait passer ce ratio au-dessus du vert, si on veut dire. Et donc, ce qui était un peu particulier, c'est que dès lors que nous avions mis dans les tuyaux une décision modificative qui réglait le problème, il nous fallait la retirer le temps que le préfet nous autorise à la remettre. Ce qui est un petit peu débile, mais c'est ce que prévoit le Code général des collectivités territoriales, et donc on est contraint de s'y soumettre. Sur le dernier point de votre intervention sur la question de la dette, effectivement, il est possible que le décalage dans le temps amène une légère dégradation de l'offre qui nous sera faite. Ça ne devrait pas la remettre en cause, mais ça peut nous faire perdre quelques centièmes de points de pourcentage sur le taux. Voilà, c'est le marché qui le fait. Mais on pourrait avoir entre-temps, et à la limite, d'une certaine manière, ça nous aura servi, on pourrait avoir entre-temps une réponse positive de la SFIL sur un autre prêt qui était en cours de négociation, qui ferait qu'on aurait un montant supplémentaire à prendre dans cette DM. Donc, à voir ensuite à quel moment on la représentera au conseil municipal, ça dépendra des délais dans lesquels on nous répondra au niveau de la préfecture. D'autres observations ? propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est approuvée. Délibération suivante, création de 3 postes de collaborateurs de cabinet. Donc, comme c'est précisé dans la délibération, il s'agit de toiletter, on va dire ça gentiment, des délibérations, des tableaux des effectifs anciens, et de délibérer de manière très claire, puisque la dernière délibération en matière de poste de collaborateur de cabinet date du 29 mai 2008, donc c'est pas avant-hier, c'est encore plus loin. Donc il vous est proposé de créer ces 3 postes de collaborateur de cabinet comme nous y autorisent les textes. Voilà. Des observations, monsieur Lyonnais? Oui, effectivement, dans le sens de ce que vous venez de dire, parce que sur le fond, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas de sujet. Il y avait 3 collaborateurs de cabinet, il y en aura 3. Mais la seule chose qui m'étonnait, là, en relisant la délibération, c'est qu'effectivement, les délibérations datent, si je vous ai bien lu, de 91, 99, 2008. C'est comment se fait-il que, alors que vous êtes aux affaires depuis 7 ans, c'est maintenant que vous procédez à cela? C'était ma seule question en relisant la délibération. Bah, la réponse est dans votre question. C'est, on aurait dû le faire avant et on n'a pas retrouvé trace d'un certain nombre d'éléments dans les archives de la DRH, on va dire ça gentiment. Voilà. Donc on est amené à délibérer et bien entendu que si on avait déjà eu ces informations auparavant, on aurait délibéré bien avant, croyez-moi. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Je vous remercie. Extension de l'institution des indemnités d'élection à tout scrutin relatif à une opération de démocratie participative. Donc, en fait, il s'agit d'inclure des consultations comme celle qui aura lieu le 3 juillet dans l'indemnisation des fonctionnaires de la ville qui seront amenés à participer au scrutin. Est-ce qu'il y a des questions? Edouard. Peut-être en profiter pour rappeler justement cette consultation, puisqu'on est dans une période électorale et veille de deuxième tour d'élection régionale et départementale, mais effectivement, samedi 3 juillet, il y aura une consultation locale. Autour de 7 bureaux de vote de 10h à 18h pour toutes les personnes de plus de 16 ans, français comme non français, à mesure qu'ils sont résidentes et résidents de Bagnolet, et qu'on peut collectivement inciter toutes et tous à participer au choix d'implantation du futur collège reconstruit Travail Langevin, soit au parc des sports de la Briqueterie, soit au stade des Rigondes. D'autres observations? Jean-Claude, juste une précision, ce sera à partir de 9h. Ouais. C'est mon côté lève-tard. Est-ce qu'il y a d'autres... Pas d'autres remarques? Je propose de passer au voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Donc, délibération suivante, réaménagement des règles relatives au temps de travail des agents de la ville et du CCAS de Bagnolet, états généraux pour l'amélioration du service public bagnoletais. Donc, on vous a remis une délibération amendée qui fait suite à nos échanges avec les représentants du personnel la semaine dernière. Donc vous le savez, chers collègues, la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique organise notamment dans les collectivités territoriales la suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures qui avaient été maintenus après 2001, comme c'est le cas à Bagnolet. Comme de nombreux élus locaux, la municipalité avait alors manifesté son opposition à ces dispositions qui, selon nous, sont déplacées et à rebours de l'histoire. Les services publics locaux et les agents qui les font vivre au quotidien sont une richesse extraordinaire. Preuve en a été donnée, s'il le fallait, pendant la crise sanitaire majeure que nous avons traversée ces derniers mois. Cependant, la loi a été votée. Les conditions qui sont imposées aux collectivités pour mettre en œuvre ces différentes mesures ne permettent pas, à notre sens, d'organiser une véritable concertation avec les instances paritaires, ainsi qu'avec les différents représentants du personnel communal. Nous avons dit notre opposition, nous le redisons aujourd'hui. Soucieuse de respecter la légalité et le cadre républicain, la ville de Bagnolet ne se mettra néanmoins pas hors la loi. La loi sera appliquée. La démarche que nous avons proposée aux représentants syndicaux ainsi qu'aux membres du comité technique paritaire est d'organiser des états généraux du service public local. Ainsi, notre volonté est de mener une réflexion globale et partagée associant les agents, les élus, ainsi que les bagnoletaises et les bagnoletais. Il s'agira de travailler ensemble tant sur la qualité du service rendu aux habitants que sur le fonctionnement des services et sur les droits et les devoirs des agents. Chers collègues, par cette démarche, nous vous proposons de transformer cette contrainte en une opportunité pour construire dans la concertation, un service public local renouvelé, respectueux des droits des agents et toujours plus au service des habitants. Monsieur Jenon. Merci. Monsieur le maire, chers collègues, ils nous ont demandé ce soir de revoir, avant l'été, les dispositions de la transformation de la fonction publique de 2019 sur le temps de travail des agents. Ceci nous est demandé au moment d'une crise sanitaire inédite. Une crise venait souligner combien nos services publics et ses agents publics étaient précieux. Une crise venait également nous enseigner combien les politiques libérales successives visant à les affaiblir, à les rationner, à les regrouper, à les détourner de leur mission essentielle, furent et demeurent irresponsables. Une crise venait nous rappeler ce qu'était un service public. Un service dont l'objectif est de satisfaire un besoin d'intérêt général, reposant sur la continuité, l'égalité d'accès des usagers et la mobilisation de moyens adaptés aux besoins à couvrir. Depuis le premier confinement, chacun félicite les agents publics pour leur action cruciale, à l'hôpital bien sûr, dans les EHPAD et dans nos communes. Et on leur promet quoi à ce premier de corvée, toutes ces femmes et ces hommes en première ligne de front dans cette crise qui ont dû exposer leur propre santé, adapter leur vie personnelle et familiale, on leur promet des primes et des médailles. Depuis des années, dans notre pays, nos services publics, longtemps considérés comme les joyaux de notre République sociale, sont maltraités, démantelés, fusionnés ou privatisés au nom d'un dogme qui vise à favoriser le marché, à abaisser la dépense publique, à considérer le fonctionnaire comme un anti. Alors même que les fonctionnaires voient leur pouvoir d'achat régresser d'année en année en raison du gel durable du point d'indice servant au calcul de leur traitement. Pour rappel, en 2018, le salaire moyen des fonctionnaires territoriaux, gelé depuis plus de 10 ans, était inférieur de 400 euros net par mois par rapport aux salariés du secteur public. Une différence qui s'élève à 550 euros pour les agents de catégorie C, qui représentent 75% des effectifs. Et aujourd'hui, le gouvernement vient leur demander de travailler plus pour gagner pareil. Depuis des années, les fonctionnaires doivent descendre dans les rues, se mobiliser, engager des mouvements sociaux pour obtenir les moyens de faire correctement leur travail et de bénéficier d'une rémunération à juste hauteur de leur utilité, de leur engagement. Vous l'avez compris, pour moi, militant communiste, syndicaliste et fonctionnaire territorial, le service public est la seule richesse de ceux qui n'en ont pas. À Bagnolet, notre ville, Jacqueline Chanevel et Daniel Mongeau ont toujours incarné cette politique volontariste de développement des services publics et de progrès social. Pour Jacqueline comme pour Daniel, ainsi que pour tous les élus qui les ont accompagnés, la défense de la fonction publique était et toujours indissociable de la défense des services publics et inversement, pas de services publics sans fonction publique. Car avec des services publics forts, on s'en sort mieux. Aujourd'hui, je pense que Bagnolet aurait pu être le fer de lance de cette bataille de défense des services publics, nos services publics et de nos agents, les fonctionnaires. Dont je profite, au nom de mon groupe, saluer l'engagement sans faille des agents de notre collectivité, d'autant plus facilement que nous sommes à leur côté pour revendiquer depuis des années. Que ce soit pour assurer leur mission de première nécessité ou pour pallier aux carences de l'État, aux engagements sans actes concrets d'un gouvernement qui a trop souvent laissé les collectivités se débrouiller, aux prises avec des consignes contradictoires. Ils font honneur aux services publics, qu'ils en soient remerciés, et autrement que par une simple prime ou une médaille. Un autre choix aurait pu être fait, de par la libre administration de notre collectivité et par la reconnaissance de la pénibilité à l'ensemble des fonctions des agents de notre territoire, celui de maintenir le temps de travail en l'état. Renoncer aujourd'hui sur ce point, c'est tout simplement participer au démantèlement des services publics menés tambour battant par ce gouvernement. Ensemble, disons non à cette régression. Les maires communistes, je le rappelle, dans notre département, ont interpellé le préfet pour lui dire que cette réforme était mauvaise et inapplicable. Car ce qui est en première ligne de la gestion de cette crise est à l'autre bout, qui en paye ses conséquences, ceux qui figurent parmi les plus bas salaires, pendant que d'autres, bien protégés, engrangent les profits. Des services publics forts, cela implique des moyens budgétaires à la hauteur des besoins à couvrir, bien entendu. Mais cela implique également le respect de ce qu'est un service public, pour cesser de faire ressembler nos services publics à ce qu'ils ne sont pas, des services réservés à certains publics. Le service public, pour répondre de manière la plus efficace aux défis posés par notre société et aux besoins émergents de la population, exige une fonction publique à la hauteur de ses missions, renforcée et renouvelée. Cela suppose pour ses agents une formation adaptée, des qualifications de haut niveau, un statut et des moyens humains et matériels suffisants. Cela implique également de respecter le statut de la fonction publique et d'arrêter de vouloir ou non d'une prétendue équité harmonisée par le bas, salariés du privé et agents publics. Ce statut de la fonction publique, élaboré à la Libération par Maurice Thorez et élargi en 1983 par Anicio Le Pors, qui repose sur des principes fondamentaux. Le principe d'égalité d'accès sur la seule base des compétences des candidats vérifiés par la voie des concours. Le principe d'indépendance des fonctionnaires vis-à-vis du pouvoir politique comme de l'arbitraire administratif. Le principe de citoyenneté qui confère aux fonctionnaires la plénitude des droits des citoyens, y compris le droit de grève que certains voudraient remettre en cause. Alors, de ce point de vue, cette délibération soumise à notre examen pour ouvrir plus encore les vannes de la précarité au sein de notre collectivité nous fait craindre que tous les enseignements de ce que nous venons de vivre n'ont pas été tirés. Pour conclure, nous nous élevons contre l'hypocrisie sans nom du gouvernement. D'un côté, il salue avec des sanglots dans la voix l'engagement de nos fonctionnaires qui, avec d'autres, ont permis au pays de tenir debout pendant la crise sanitaire. De l'autre, il s'attaque à leur statut et à leurs droits. J'appelle avec esprit de responsabilité l'ensemble des élus de cette Assemblée, élus d'une ville de gauche. Le résultat des deux scrutins de dimanche dernier nous l'a encore montré. De refuser d'obéir à l'injonction de M. le préfet, de suspendre la mise en œuvre de la réforme et d'attendre les réponses du préfet et celles de la ministre de la fonction publique que vous avez interpellée, d'engager des discussions avec les organisations syndicales et de rejoindre les collectivités mobilisées pour agir ensemble contre cette loi rétrograde et préserver au mieux les intérêts des agents de nos collectivités. Merci. Édouard de Noël. Merci. On a une délibération ce soir qui effectivement s'appuie sur une loi dogmatique, une loi régressive, qui a été âprement combattue dans la rue, qui a été âprement combattue au Parlement, et qui pourtant aujourd'hui est en vigueur. Une loi qui fait quoi ? Qui, en théorie, vise à faire travailler plus, non pas pour faire gagner autant, mais pour faire gagner moins, parce qu'aujourd'hui, avec le gel du point d'indice, avec l'inflation, le résultat, c'est de gagner moins en travaillant davantage. Vous l'avez dit, et je le partage, à Bagnolet, les agents, dans leur écrasante majorité, et ça va mieux en le disant, travaillent et travaillent bien. On l'a vu singulièrement pendant la crise de la Covid, on a vu l'administration qui savait faire face au service des gens et souvent les agents qui ont les plus petits traitements. Le problème auquel on fait face aujourd'hui, c'est d'être entre le marteau et l'enclume, entre le marteau de la loi et l'enclume préfectorale. Oui, on est dans une situation où on se retrouve amer parce que sous surveillance du préfet, vous savez ce qui nous arrive si la délibération n'est pas adoptée. C'est qu'on vous fait boire la potion amère de force. Et c'est pour ça que M. le maire l'évoquait, et c'est ce que nous soutenons, c'est qu'il faut réussir à sortir par le haut de cette situation. D'abord, et ça a été évoqué par ces états généraux du service public local, parce que, oui, les Bagnoletais, et à raison d'ailleurs, demandent un service public important, de qualité et de manière croissante, un meilleur service public. Ils sont exigeants, donc c'est l'idée de ces assises ou de ces états généraux du service public local. Mais au-delà de ça, il ne s'agit pas de contourner le dialogue social. Et donc c'est un dialogue social qui doit permettre de trouver les voies et moyens d'amortir cette réforme. Une réforme qui doit rebâtir davantage d'équité entre les agents, rebâtir davantage de responsabilité pour celles et ceux qui occupent les postes d'encadrement les plus importants, mais qui doit aussi s'appuyer beaucoup sur les notions de pénibilité, vous l'avez dit, et c'est important, de saisonnalité du travail. Il y a plein de métiers pour lesquels on ne travaille pas de la même façon l'hiver que l'été, par exemple. Et je pense qu'on a collectivement aussi un intérêt à essayer de réfléchir à de nouveaux droits pour les travailleurs, pour les fonctionnaires et employés de cette mairie. On peut collectivement réfléchir à des choses intelligentes qui seraient de manière concertée avec les organisations syndicales proposées. Par exemple, on a évoqué la possibilité d'un allongement du congé paternité. C'est une possibilité qui peut être faite. On peut faire gagner de nouveaux droits. Et cette revue, justement, de l'ensemble du service public communal, ça peut être le moyen, non pas d'accompagner une régression sociale, mais de trouver les voies et les moyens d'adoucir les choses et de conquérir de nouveaux droits. Et je pense que ça nous oblige collectivement. Je vous remercie. Merci. Jean-Claude Oliva. Oui, je crois qu'il faut voir la délibération qui est présentée ce soir plutôt comme un point de départ que comme une conclusion concernant le temps de travail. C'est-à-dire que c'est une délibération qui est générique sur le temps de travail, qui ne décide pas définitivement des modalités, mais qui va permettre de continuer le dialogue avec les représentants du personnel et avec les organisations syndicales pendant plusieurs mois, d'approfondir ce dialogue pour aboutir à un résultat qui satisfasse tout le monde. D'ailleurs, cette délibération telle qu'elle est présentée ce soir, elle a déjà été amendée avec les représentants du personnel lors du dernier comité technique. Ils ne s'y sont pas opposés, ils n'ont pas voté contre, ils se sont abstenus, ce qui nous permet de la présenter ce soir. Et si on est dans cet état, dans cette situation, c'est aussi parce qu'il y a eu dans la dernière période plusieurs initiatives. C'est suite à plusieurs initiatives. D'abord, il y a eu une rencontre entre la municipalité, entre la majorité municipale et les organisations syndicales du personnel de Bagnolet. Il y a eu la lettre du maire à la ministre qui affirme sans ambiguïté, en toute clarté, avec force, notre opposition à cette réforme. Et enfin, il y a cette proposition de lancer des états généraux du service public local pour justement ne pas subir cette réforme, mais pour améliorer les conditions et l'ambiance de travail du personnel, pour assurer aussi plus de justice et d'équité entre tous les salariés, et aussi pour rendre un meilleur service à la population. Donc des états généraux qui seront des états généraux avec les salariés, avec les syndicats, avec les élus, avec la population aussi, enfin avec les usagers, des différents services publics locaux. Donc voilà, moi je trouve qu'on est plutôt dans une phase où on rentre dans une, je dirais, on est dans une phase plus constructive avec les salariés, avec les syndicats, avec les représentants du personnel, et moi je m'en réjouis. Et donc là, dans les prochains mois, cette délibération, c'est pour continuer le travail dans ce sens, pour l'approfondir ensemble, et je pense que bien entendu, l'opposition a toute sa place aussi dans cette réflexion et dans ce mouvement. Et je vous invite plutôt à lui donner, à y participer, pour lui donner encore plus d'ampleur et plus de sens et plus de force. Merci. D'autres observations ? Oui. J'entends ce que vous dites. Hein. Les états généraux de la fonction publique, oui, pourquoi pas ? Il en faut à Bagnolet. Mais je pense que ce n'est pas de ça dont on parle ce soir. Il se trouve, vous venez de le dire, les syndicats de la ville nous l'ont dit, vous avez interpellé la ministre. Je ne sais pas si vous avez une réponse ou pas pour l'instant, ce soir. D'autres maires ont interpellé le préfet. Ils n'ont pas eu de réponse. Je pense que tant qu'on n'a pas ces réponses-là, de la ministre, vous avez interpellé, et du préfet, on ne peut pas faire passer cette délibération. Il se trouve qu'il y a des maires en Seine-Saint-Denis, je pense que c'était deux, le maire de Bobigny, et au conseil municipal, ils ont pris la responsabilité de bloquer la délibération. Et notre maire, de droite, Noisy-Grand, a fait la même chose. Je pense, je l'ai dit dans mon intervention, on est des élus de gauche, il n'y a aucun souci sur ça. Je pense qu'on peut faire, c'est un geste fort qu'on peut faire ce soir, dire, tant qu'on n'a pas ces réponses, on se joint à ce front des villes et des maires qui montent aujourd'hui en Seine-Saint-Denis et ailleurs pour dire non, non à l'injonction des préfets, et on veut attendre les réponses et qu'on demande. Voilà. Je pense qu'on sort des premiers temps d'élections municipales où on a vu dimanche dernier le fort taux d'abstention. Je pense que ça nous donne à réfléchir aussi à ça. Et on est à la veille d'un deuxième tour, c'est pareil. Je pense qu'au-delà de différences et de ce que peut nous rassembler aussi, hein, on peut prendre ce soir cet acte-là par rapport aux agents, c'est pas le temps que je reviens sur ce que je dis, et à la population aussi. Voilà. Merci. Bon, j'entends ce que vous dites, c'est pas le choix que nous faisons, nous l'avons expliqué. J'ai pas de réponse de la ministre. Ce que je peux vous dire, c'est que tous les maires de Seine-Saint-Denis reçoivent chaque mois un courrier du préfet concernant la mise en œuvre de ce texte. Donc, si vous voulez, la réponse du préfet, on la connaît et on l'a plus que la connaît. C'est tous les mois, je vous garantis, on reçoit un courrier du préfet sur le sujet. On a dit ce qu'on pensait de ce texte, mais à un moment donné, voilà. On doit mettre en œuvre, et on mettra en œuvre dans les conditions qu'on a évoquées, avec des grands états généraux du service public local, avec la prise en compte des sujétions particulières, de la pénibilité. On est convenu avec les organisations syndicales et le représentant du personnel d'engager un travail de fond sur le sujet, effectivement, pour amortir le plus possible les effets de cette réforme. Voilà le sens de la démarche que l'on se propose de suivre. Après, je vais pas polémiquer, puisque ce soir c'est consensuel, mais je vous rappelle qu'il y avait quand même un certain nombre de vos colistiers qui, dans le cadre de la campagne des municipales, nous expliquaient, mais monsieur le maire, quand allez-vous appliquer les 1607 heures à la mairie de Bagnolet, n'est-ce pas monsieur Vionnet, mais je fermerai là la taquinerie du soir. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Solène Le Bouris et Pierre Vionnet. Nous allons, vous l'avez compris, nous allons donc voter contre cette délibération. Et après, nous invitons aussi quelques élus de la majorité à faire comme nous. Hein. Rien ne vous oblige à voter unanimement pour cette délibération. Monsieur Vionnet. Oui, j'avais pas prévu d'intervenir, mais je vois bien que ça vous manquait. Donc, d'une part, pour dire que moi, j'approuve en tout point ce qu'a pu exprimer mon collègue Mohamed Jenan, et que ce sur quoi j'avais fait une remarque, parce qu'on peut... c'était une citation de la Chambre régionale des comptes, si mes souvenirs sont bons, qui mettait en regard la question des 1607 heures et la question des heures supplémentaires. C'est quand même un sujet particulier. Et de manière plus globale, moi, ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire, c'est que je pense que la question qui se pose est là pour être dans un propos plus bagnoletais et moins général. La question qui se pose, c'est moins une question de décompte des heures que de qualité du travail dans cette mairie, de qualité et de confiance entre les élus et l'administration, et on entend quand même très régulièrement des expressions de souffrance au travail, des expressions de choses qui vont pas bien dans cette ville. Bon, si les états généraux que vous proposez permettent d'aller sur le chemin des solutions, tant mieux. Oh, merci. D'autres remarques, observations ? Propose de passer aux voix. Qui est pour approuver cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est approuvée. Je vous remercie. Délibération suivante, attribution de l'accord cadre à bon de commande pour réquisition des vêtements de travail et EPI. Je vais peut-être faire un tir groupé sur les trois délibérations. Donc, il s'agit de renouveler des marchés qui étaient déjà en cours donc à Bagnolet, qui sont arrivés à échéance donc, sur leur durée de 4 ans. Donc, il s'agit d'abord du marché de fourniture de vêtements de travail, chaussures, sécurité, équipements de protection individuelle et accessoires pour les agents de la ville de Bagnolet. La fourniture de denrées alimentaires et de repas en liaison froide pour le service de la restauration des crèches. Et l'acquisition, la livraison et le montage de mobilier nécessaire aux activités scolaires, périscolaires, petite enfance, à queue de loisirs. Donc l'ensemble de ces marchés ont été présentés en commission d'appel d'offres le 16 juin dernier et ont été approuvés par l'ensemble des membres présents, avec une remarque sur une meilleure intégration dans les marchés futurs de critères environnementaux dans la lignée de ce que nous avons pu mettre comme cadre dans la délibération sur le réglementaire des marchés. Donc on y accordera une attention renouvelée dans la composition des cahiers des charges en lien avec les services concernés. Voilà. Des observations ? Pas d'observations. Donc, délibération 11, l'accord cadre pour l'acquisition des vêtements de travail et EPI. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? À délibération 12, accord cadre à bon de commande pour la fourniture des denrées alimentaires et repas en liaison froide pour le service de restauration des crèches. Qui est pour ? Qui est contre, qui s'abstient. Délibération 13, accord cadre à bon de commande pour l'acquisition de mobilier scolaire. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération 14, conclusion de protocole transactionnel suite à des sinistres sur le domaine public. Donc on a déjà eu l'occasion d'aborder ce type de sujet. Le but, c'est quand même de rénover le domaine public. Donc vous avez pu noter que les travaux du passage des Lauriettes ont démarré il y a quelques jours et nous aurons l'occasion de présenter avec le conseil départemental la semaine prochaine avec Edith Félix le projet de réaménagement de l'avenue Stalingrad. Donc délibération 14, est-ce qu'il y a des observations concernant la conclusion d'un protocole transactionnel avec monsieur Locatelli, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. C'est approuvé. Délibération 15, protocole transactionnel avec madame Claudia Anton, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Délibération 16, approbation de la convention d'objectif entre la ville et le conservatoire slave de musique. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, je vous propose également de faire un tir groupé sur les trois prochaines délibérations qui concernent une approbation de convention d'objectifs entre la ville et les associations culturelles que sont le Conservatoire Slave de Musique, l'association le Colombier Compagnie Langaja et l'association publique Chérie Théâtre de l'Échangeur. La ville a signé une convention d'objectifs, des conventions triennales avec ces trois associations culturelles. Un nouveau directeur de la culture a été recruté récemment. Et afin de pouvoir débloquer l'octroi de leur subvention assez rapidement, il vous est proposé de délibérer sur une convention de 1 an, une convention d'objectif de 1 an, afin de laisser le temps au service culturel de s'emparer des sujets et de travailler à l'élaboration de nouvelles conventions triennales qui prendront effet à partir de 2022. Voilà. D'autres interventions ? Yasmina. Je vais intervenir pour la question du théâtre de l'échangeur. Donc l'association publique Chérie Théâtre de l'échangeur a récupéré le local de la lutherie urbaine et la demande de subvention initiale ne comprenait pas la rénovation du local. C'est pourquoi, considérant que cette association est une association bien ancrée au sein du territoire qui travaille régulièrement avec les centres de quartier, la municipalité et qui est reconnue par tous comme un partenaire sérieux qui offre aux Bagnoletais un service et une offre culturelle de qualité. Cependant, cette dernière rencontre des difficultés financières liées au contexte économique que nous connaissons tous et qui découle de la crise sanitaire. Donc, nous proposons au conseil municipal d'approuver l'octroi exceptionnel d'une subvention d'un montant de 15 000 euros à l'association publique Chéri, Théâtre de l'Échangeur, et cela afin de permettre à cette association de surmonter les difficultés économiques liées à la rénovation de ce nouveau local et de maintenir les services et une offre de qualité en direction des Bagnoletais et des Bagnoletaises. Je vous remercie. Merci. Des remarques, Monsieur Vionnet? Oui, juste pour dire très brièvement que notre groupe votera les trois délibérations, bien évidemment, puisque le Conservatoire Slave, le Colombier et l'Échangeur sont des acteurs importants de la vie culturelle de la ville, dans un moment où on sait tous que les acteurs culturels ont souffert et continuent à souffrir beaucoup. Merci. Donc, délibération 16, approbation de la convention d'objectifs entre la ville et le Conservatoire Slave de musique. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération 17, convention d'objectifs entre la ville et l'association Le Colombier et la compagnie Langaja. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération 18, approbation de la convention d'objectifs entre la ville et l'association publique Chéri. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération 19, attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association publique Chéri Théâtre de l'Échangeur. Est-ce qu'il y a des remarques ? Pas de remarques ? Je propose de passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Délibération 20, appel à projet IMGP 1, délibération modifiant les conditions de cession de la parcelle communale AC77 à la société Vinci Immobilier d'Entreprise. Cédric Pape. Merci, Monsieur le Maire. Chers collègues, donc, pour rappel, le projet LIVE est lauréat depuis 2017 de l'appel à projet Inventons le Métropole du Grand Paris, projet mené par Vinci Immobilier sur l'ex-site du marché à la ferraille, ce qui est la parcelle AC77. Pour rappel aussi, la vente de ce terrain municipal a été approuvée en conseil municipal en décembre 2018 sans opposition. Il s'agit là d'une note d'une délibération technique modificative, donc modification du programme et du prix de cession parce que la parcelle est plus petite que prévu après le travail des géomètres parce qu'il y a une petite partie du terrain qui appartient à la ville de Paris. Il y a deux surcoûts à hauteur de 600 000 euros liés à la pollution du sol qui est à la charge du vendeur et aux fondations spéciales liées à la nature du sol. Et enfin, dernier point et non des moindres, le Vinci Immobilier souhaite que nous intégrions une clause suspensive de la vente liée à la non-commercialisation de ce produit dit utilisateur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils construisent, ils voudraient construire, avec l'opérateur final. Et lié à la Covid, c'est problématique parce qu'il y a une gestion des bureaux qui est plus difficile à l'heure actuelle, puisque c'est un bâtiment qui est lié au tertiaire. Tout cela mis bout à bout, au départ, on avait délibéré en 2018 sur un prix de cession qui était à hauteur de 2 650 000 euros. Aujourd'hui, avec la réduction de la parcelle et la pollution qui sera à notre charge, puisque Vinci prendrait le coût des fondations spéciales, nous souhaitons délibérer pour apporter une modification de cette prix de cession à 2 245 285 euros. Des remarques, des observations, Monsieur Stalen. Je vous remercie. Monsieur le maire, chers collègues, effectivement, plusieurs remarques et questions quant à cette proposition de délibération. Tout d'abord, comme vous l'avez rappelé, le choix du projet et du promoteur ont fait l'objet d'un appel à concours organisé par la métropole du Grand Paris. 51 projets ont été présentés, 3 retenus, 1 validé, celui de Vinci Entreprises. Il avait été retenu pour différentes raisons, la faveur du jury, son architecture bien entendu, mais surtout essentiellement ses intentions, ses ambitions, à savoir la création d'un pôle d'activité en lien avec la haute couture et ses métiers. Un incubateur, des ateliers, des showrooms, des espaces dédiés exclusivement à ce secteur d'activité, des espaces verts et des jardins intérieurs. De quoi rêver bien évidemment. Que reste-t-il aujourd'hui de ce projet ? Que nous propose-t-on ? Pas grand-chose à vrai dire, si ce n'est un immeuble de bureau classique supplémentaire. La thématique de départ a été purement et simplement abandonnée. ainsi que la création d'espaces verts et de jardins intérieurs. Donc le projet est vidé de toute sa substance. Ma première question sera de savoir ce que Monsieur le maire, ainsi que vous, que vos adjoints en charge aussi de ce sujet, pensez concrètement de cette évolution. En sachant qu'une réhabilitation de deux tours mercuriales proposera prochainement, une des deux tours mercuriales, proposera prochainement 80 000 m² de bureaux supplémentaires sur Bagnolet. Pour quel avenir pour ce nouveau site de 5 000 m², sachant que bon nombre de bureaux déjà aujourd'hui à Bagnolet ne trouvent pas preneur. De plus, il était prévu la mise à disposition de 800 m² permettant l'installation de commerces innovants. D'après, et comme le précisait la proposition faite par Vinci, il n'en reste dans cette nouvelle version aujourd'hui d'en assumer les conséquences en lieu et place du promoteur à concurrence de 300 000 euros. Une somme énorme au regard des difficultés financières de notre ville. Le groupe Vinci, j'en suis persuadé, est certainement beaucoup moins endetté que nous le sommes. Nous n'avions aucune obligation dans ce domaine. Le promoteur devrait en assumer seul les conséquences. Vous nous proposez simplement de contribuer à l'amélioration de la marge bénéficiaire du groupe Vinci. N'y avait-il pas d'autres solutions? La négociation aurait pu être, j'en suis convaincu, menée différemment. Vous faites apparaître de plus, dans votre présentation, des frais de fondation spéciale, mettant en avant un éventuel surcoût pour le constructeur, qu'il assume. Mais alors pourquoi les faire apparaître? Ce sont les aléas de toute promotion et en aucun cas nous n'avons à en tenir compte. Les marges bénéficiaires sont suffisantes pour amortir de ce type de complexité technique. Dans quel but les mettre en avant? Pour grossir artificiellement la facture afin peut-être de rendre plus raisonnable les 300 000 euros demandés aujourd'hui. Vous nous proposez aussi dans le cadre de la signature de la promesse de vente, vous venez de le rappeler Cédric, de vente, d'inclure une condition suspensive de commercialisation. Inacceptable. S'étalant sur une période de 18 mois, sans aucune précision supplémentaire, pas de quantité minimale de mètres carrés prévendus. On ne sait pas du tout. Nous devons attendre que Vinci ait tout commercialisé pour être certain de voir cette opération aboutir. Nous sommes-nous partenaires en tant que ville de Bagnolet de ce groupe? Je ne sais pas, la question se pose en tout cas. Vous nous demandez purement et simplement de partager les risques sans aucun bénéfice, si ce n'est la vente du terrain et purement. Qui ne sera de plus effectif qu'en décembre 2023. Pour continuer, de quelle nature esthétiquement parlant sera ce projet maintenant? Puisque nous le savons, la bande de terrain, vous venez de le rappeler, Cédric, une fois encore, n'appartenait pas à la ville de Bagnolet, mais à la ville de Paris, contrariant forcément le projet initial. Ça va forcément faire travailler les architectes différemment. On n'en a pas, en tout cas, les contours aujourd'hui. Nous disposerons des nouveaux plans quand? Pour finir, le prix de vente, il ne paraît pas malheureusement avoir été optimisé. La valorisation au mètre carré étant nettement inférieure à 500 euros, alors que bon nombre de communes, en Seine-Saint-Denis et ailleurs, valorisent leur foncier autour de 1000 euros du mètre carré. Pourquoi avoir accepté une proposition aussi basse? Les domaines qui sous-estiment systématiquement proposaient 2 520 000 euros. Et Vinci s'est positionné, fait du hasard certainement, à cette limite. 2 545 285 euros. Pour information, d'après le calcul sur une base très raisonnable au mètre carré, le promoteur devrait retirer un chiffre d'affaires sur cette construction de plus de 25 millions d'euros. Pour toutes ces raisons et dans l'attente de précisions nécessaires et complémentaires, nous voterons contre. Je vous remercie. Alors, quelques précisions sur ce projet qui a été présenté à la population il y a maintenant plus de 4 ans, en réunion publique au centre de quartier des Coutures et qui avait été très apprécié des habitants. D'abord, la forme du bâtiment ne change pas. Ensuite, la question de fond qui est posée, et que nous nous sommes posés, c'est est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on stoppe? Voilà, la question, elle est simple. La question, c'est, on a été lauréat dans le cadre d'Inventons la métropole du Grand Paris numéro 1, porté par la métropole du Grand Paris. On a proposé un site. À l'époque, on ne nous a pas demandé d'étudier la nature des sols, etc., etc. On nous a proposé un site. Le Vinci a été lauréat avec un beau projet. Depuis, les difficultés sont apparues. Cédric les a évoquées. La crise du bureau est apparue également. C'est ce qui nous amène à présenter cette délibération. Et effectivement, la question essentielle, c'est la promesse de vente prolongée de question essentielle. Est-ce qu'on continue ou pas sur ce projet, sachant que si on ne continue pas, on n'aura pas la capacité, on ne sera pas en capacité de proposer un projet marqueur sur ce site, puisque d'autres dispositions s'appliqueront. Donc voilà, donc nous, on se propose de poursuivre le travail qui a été engagé avec un bâtiment qui architecturalement est un beau bâtiment marqueur à l'entrée de ville. Je précise que l'an prochain, les travaux sur la porte de Montreuil lancés par la ville de Paris vont démarrer et que voilà, et ça mérite à un moment donné que l'on puisse continuer à faire en sorte de transformer cette avenue Gallieni qui en a bien besoin. Et je précise par ailleurs qu'on travaille également d'arrache-pied avec l'établissement public foncier d'Île-de-France sur d'autres projets sur l'avenue. Cédric. Pourquoi on a simulé les coûts de dépollution? Alors, je peux parler. Pardon, c'est vrai qu'on ne vous a pas beaucoup vu, vous manquez d'expérience. Mais je salue votre présence. L'élégance de Monsieur Pape est toujours sa marque de fabrique. C'est factuel, hein, c'est pas une histoire d'élégance. Donc, sinon, si on veut être un peu plus factuel, le PLUI, je vous le rappelle, oblige à ce que ce soit du tertiaire à cet endroit-là. Et je le rappelle à tous et à ceux qui nous écoutent qu'effectivement, ça sera une zone tertiaire à cet endroit-là. Comme l'a dit Monsieur le maire, effectivement, l'empreinte, l'ADN, en tout cas du projet, n'est pas modifié. Donc, ça ne fait pas partie de la note modificative. Et je tenais aussi à vous rappeler. Enfin, vous votez contre aujourd'hui, mais je vous rappelle aussi, je sais qu'on n'a pas le droit de parler des absents, mais je me suis quand même... j'ai fait exprès de rappeler dans mes propos liminaires que cette session avait été votée en 2018 sans opposition. Donc un peu de cohérence en politique, je pense qu'on sera tous d'accord, ne fait pas de mal. Monsieur. Sur la pollution, moi je pourrais vous dire que vous êtes petite victime d'un effet qu'on appelle Dunning-Kruger. C'est-à-dire que de par votre métier, vous pensez pouvoir maîtriser une certaine expertise, mais en fait, la pollution est à la charge du vendeur. Donc du coup, aujourd'hui, Vinci nous propose ce qui nous paraît une négociation quand même plutôt équilibrée, à savoir que les fondations spéciales sont à leur charge et la pollution qui a été découverte effectivement lors des travaux avec le géomètre, en tout cas la pollution est bien là, il faut bien la traiter, vous en conviendrez. Donc du coup, elle est à la charge aujourd'hui de la municipalité et les fondations spéciales sont à la charge de Vinci Immobilier. Et du coup, aujourd'hui, parce que ça reste quand même une bonne nouvelle, hein, c'est-à-dire qu'on parle là éventuellement de la vente de cette parcelle-là dans la mutation du quartier que l'on souhaite tous aussi, j'imagine. Comme aujourd'hui, le projet Novaxac est en train de sortir de terre. Donc il y a toute une continuité comme ça. On nous dit souvent qu'on manque de visibilité, de vision. Là, aujourd'hui, ce quartier-là est en pleine mutation et très clairement, ce projet s'inscrit dans cette mutation. Monsieur Lyonnais. Oui, alors déjà, je voulais trois points, mais déjà un avant factuellement. Là, sauf erreur de ma part, il ne s'agit pas ce soir de voter pour ou contre le projet. Il s'agit de voter pour ou contre les éléments modificatifs, notamment financiers, que vous proposez. Donc, les leçons de cohérence pour nous n'étions pas ici élus avant, mais en plus les leçons de cohérence politique me semblent assez déplacées puisqu'il ne s'agit pas de se prononcer pour ou contre ce projet. Ensuite, trois choses brièvement. Bon, je vais le dire très gentiment, mais tout ça donne un petit sentiment d'impréparation quand même, parce que quand on lit les documents et qu'on vous écoute, On a découvert qu'il y a un bout de terrain qui appartenait à la ville de Paris. La pollution est apparue en cours de route. Ah oui, je vous interromps. Le terrain de Rome où on a expulsé les Roms en face de l'hôtel Ibis, je veux dire, on a eu le même problème avec certains services de l'État entre eux. Donc ce type de problème sur qui appartient un morceau de parcelle ou un autre morceau, c'est récurrent. Et on a eu le même sujet avec Inventons la métropole numéro 2 sur l'ancien immeuble de Vinci. Pardonnez-moi. Ce sont des choses qui arrivent, mais effectivement, on pouvait imaginer que dans le cadre de cet appel à projet, les choses soient bien vérifiées à l'avance. Donc, je ne fais que constater. Deuxième point, là, c'est quand même qui pose une question un peu plus globale du rapport aux opérateurs immobiliers, parce que c'est des sujets dont on débat de manière assez régulière. On sait bien qu'on est sur un territoire où, aux portes de Paris, où des projets immobiliers se développeront nécessairement. Mais que la question est, et c'est souvent un sujet de débat entre nous, comment ces projets profitent réellement à la ville, permettent effectivement de financer des équipements, des espaces publics. Et c'est vrai que dans ce cas particulier, on se dit qu'on était au moins dans une démarche, et c'est d'ailleurs pour ça que ça avait été voté positivement aussi par l'opposition de l'époque, dans une démarche un peu innovante, et on se retrouve effectivement à la fin avec des renégociations quand même au bénéfice de l'opérateur. Il ouvre là tous les parapluies quand même avec la condition suspensive. Et puis, vous n'avez pas répondu à un des aspects qu'évoquait mon collègue Sébastien Stellin, c'est que si on a bien lu l'un comme l'autre, il était expliqué que le lieu était dédié, je crois que c'est les mots même des documents initiaux, à de la haute couture, etc. Ça n'apparaît plus. Ça n'apparaît plus dans les textes suivants ou n'est plus évoqué que du tertiaire, si j'ai bien lu. Et de surcroît, si j'ai bien lu aussi, il est évoqué le souhait de Vinci d'avoir un preneur unique, ce qui n'est pas très compatible, pour le peu que je connais, de l'univers des entreprises de haute couture. Il est assez peu probable, sauf à ce que Chanel décide d'abandonner Pantin pour Bagnolet, il est assez peu probable qu'il y ait un preneur unique pour un programme de cette taille. J'imagine qu'on s'adresse plutôt là à des entreprises qui sont des entreprises de plus petite taille. Donc je pense qu'il y a une inquiétude un peu légitime sur cet aspect de programmation. Et puis le dernier point, effectivement, sur le sujet du projet global et de la vision. Donc, je ne vais pas redire des choses dont vous nous dites que nous vous les formulons souvent. Mais tout de même, au-delà de là, je sors un petit peu de la parcelle et je vais à l'échelle de l'îlot. Cette parcelle est effectivement la tête de pont, quelque part, d'un grand îlot triangulaire, qui est un des principaux sujets d'avenir pour Bagnolet. Je pense que c'est assez évident pour tout le monde. Sauf erreur de ma part, antérieurement à votre élection, cet îlot faisait l'objet, je le dis en vocabulaire courant, d'un périmètre de gel au PLU en attente d'un projet d'ensemble. Sauf erreur de ma part, je n'ai jamais vu de plan d'un projet d'ensemble, je dis pas qu'on aurait pu être pour ou contre, mais je n'en ai jamais vu. Effectivement, on voit des opérations immobilières grosses qui partent. Bon, on peut quand même se poser la question du projet d'ensemble. Dans le monde des urbanistes, il y a souvent une expression pour critiquer les constructions un peu massives sur une infrastructure routière, qui est l'expression de mur d'Orléans, qui évoque ce qui s'est fait il y a 10-20 ans autour de la porte d'Orléans, où effectivement une succession de mastodontes en verre fumé abritant des bureaux se sont installés le long du périphérique. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui considère que c'est un grand succès. Moi, je crains quand même qu'avec des opérations assez massives qui commencent à se développer, on ait demain le mur de Bagnolet. D'abord, on est bien en périmètre d'études sur le secteur Gallieni-République. Le sens de ce que l'on veut donner, c'est effectivement, on a bien compris que c'était un secteur stratégique, ça ne nous a pas échappé. Et on essaye d'avoir une cohérence globale grâce au partenariat que l'on a avec l'établissement public foncier d'Île-de-France. Donc la ville, le CCAS sont propriétaires d'un certain nombre de parcelles. L'EPFIF s'est rendu propriétaire d'autres parcelles, notamment par exemple ce qui est à l'angle de l'avenue Gallieni et de l'avenue de la République. On a le café de cette propriété-là, sachant que la ville est à la maison des associations ensuite. Ce que nous, on a souhaité développer, c'est par essence, c'est d'avoir effectivement du tertiaire sur le côté du périph. C'est ce que l'on a souhaité développer dans les différents documents d'urbanisme qui réglementent le secteur. Et on veut, autant que faire se peut, développer du tertiaire, du logement, du commerce, de l'activité sur le trottoir d'en face. Le trottoir d'en face, je lui dis, on est propriétaire d'un certain nombre de parcelles. Il y a des projets que l'on essaye d'accompagner. Un projet avec l'association Matrice que l'on essaye de développer. On a un sujet sur les parcelles Tomé que l'ADEME va dépolluer. Et les parcelles alentour. Donc on essaie d'avoir un projet global, considérant qu'on ne veut pas non plus surcharger des écoles qui le sont déjà. Et le groupe scolaire Jules Ferry peut parfois être sous tension. Donc on essaye d'avoir à la fois cet équilibre entre attractivité du territoire, développement économique, tertiaire sur le côté droit, et projet mixte, si vous me permettez l'expression, sur le côté gauche. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, puisque la pression des promoteurs immobiliers est forte. Je veux dire, c'est trahir un secret. C'est pas trahir un secret que de dire, par exemple, sur les parcelles Tomé avoisinantes, c'est des indivisions, des membres d'indivisions qui prétendent chacun avoir des promesses de vente avec des promoteurs. On a des DIA qui arrivent, etc. Donc on demande à l'EPIF de travailler. Donc c'est ça notre objectif, sachant que ce projet-là est forcément relié à ce qui va se passer sur la porte de Montreuil, à ce qui se passe à Piton du Vernois et au travail que l'on mène avec Est Ensemble et la ville de Paris sur l'hyperpôle Gallieni. Donc voilà. Donc après, sur le projet. Le projet lui-même, la haute couture, c'est qu'une petite partie du projet initial, ce n'était pas l'ensemble du bâtiment, mais effectivement, le projet tel qu'il est aujourd'hui n'est pas le projet initial. On ne va pas se mentir, on ne va pas habiller les choses. Et la question que l'on se pose et que l'on s'est posé avec Cédric Pape, avec les collègues, c'est est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête ? Est-ce qu'on arrête ? Parce que la parcelle, l'ancien marché à la ferraille, la parcelle, tout le monde la connaît, vous la connaissez comme moi, elle est extrêmement contrainte, et je ne suis pas certain qu'à un moment donné, on puisse développer autre chose. Donc on se laisse du temps. C'est pas forcément ce que l'on aurait souhaité, hein, puisque on aurait bien besoin dans notre budget des 2,3 millions de recettes prévues pour la vente de cette parcelle, mais c'est en quelque sorte une position d'attente qui nous satisfait qu'à moitié, mais qui nous paraît raisonnable de suivre. Voilà. Et M. Stein. si elle ne vous convient qu'à moitié, puisque vous venez de faire une description assez, assez réaliste, prenant compte de cette évolution, merci d'avoir répondu d'ailleurs assez franchement sur cette déception. Pourquoi être facilitateur? Pourquoi accepter de payer 300 000 euros de dépollution? On n'est pas obligé. Il n'y a pas l'article de loi qui vous oblige, nous, collectivités, dans le cas précis, dans le cas présent, à assumer ce coût. 300 000 euros compte tenu. Vinci est un groupe d'une importance énorme en capacité d'éponger sur les nombreux projets qui sont les siens ce type d'aléa. Pour moi, c'est un aléa. Pour eux, c'en est un, en tout cas. Pour nous, c'est une somme énorme. 300 000 euros nous permettraient de faire beaucoup de choses dans cette ville. Nous ne les aurons pas et nous ne pourrons pas les faire. Je pense que c'est une négociation. C'est peut-être difficile, Cédric, tout à l'heure, mon métier n'a pas d'incidence dans ce que je suis, dans ce que je dis aujourd'hui. Je pense simplement en tant que citoyen que la ville ne peut pas se permettre de donner 300 000 euros à un promoteur comme Vinci. C'est impossible. D'abord, je précise quand même qu'on applique le principe de retour à meilleure fortune. Donc, si ça coûte moins cher, on ne versera pas autant. Ensuite, pour l'instant, on ne verse rien. C'est-à-dire que si le projet se fait, vendeur assumera les frais de dépollution. Je veux dire, c'est le vendeur qui doit assumer les frais de dépollution. J'espère que dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, on aura l'occasion de discuter du devenir du site du terrain dit Piflochien. Et c'est forcément le vendeur qui, à un moment donné, assume les frais de dépollution du site. C'est autre chose. Et donc, et croyez-moi, on aura la même discussion concernant le devenir du site à Jean L'Olive. Vraiment. Cédric. Oui, alors, plus tranquillement. Les négociations avec les promoteurs ou les promoteurs qui veulent s'installer sur la ville, elles sont malheureusement quotidiennes. Je dis bien malheureusement parce que ça veut dire que la ville est quand même sous pression. Et croyez-moi, parce qu'on a eu des retours assez souvent, monsieur le maire et moi-même, les promoteurs nous détestent. Ils nous détestent. Il y a certains élus qui pourraient parler là. Il y a eu, pendant la campagne électorale, beaucoup d'interactions entre les promoteurs et les élus, malheureusement. Et à chaque fois, on a sorti Bagnolet. Donc, à chaque fois, je vais finir. Donc, à chaque fois, Bagnolet est sorti comme une ville très difficile d'accès. Eh bien, nous étions fiers. Nous étions fiers de ces réflexions qui sont négatives à notre encontre. Hein, je ne vous le cache pas, monsieur le maire et moi-même. Hein, mais nous étions fiers. Donc la négociation, en ce moment, elles sont très dures. Monsieur le maire évoquait tout à l'heure Tomé, ça a été un enjeu de la campagne électorale. Donc autour de la table, on connaît tous ce sujet-là. Figurez-vous qu'il y a des promoteurs qui nous appellent et qui nous disent « On va vous résoudre tout cela, on va payer toute la dépollution, faites-nous confiance, on signe quand ?» Ça, c'est en ce moment 5 ou 6 promoteurs sur la ville. Donc, la réponse a été très claire. Je fais juste une petite parenthèse, parce que c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe sur la commune, notamment sur ces sujets-là. Circuler, il n'y a strictement rien à voir. Laissez faire l'ADEME et l'EPF. Voilà. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, en termes de négociation, monsieur le maire et moi-même, on est détesté par les promoteurs. Maintenant, pour revenir sur Vinci Immobilier, comme le disait monsieur le maire, on s'est posé la question, c'est stop ou encore ? C'est stop ou encore? Bon, on a décidé avec la majorité municipale, très clairement, de laisser Vinci Immobilier avancer et de finaliser ce projet-là, puisque quand même ils travaillent dessus depuis un certain temps. Être dur avec les promoteurs, ça ne veut pas non plus dire qu'on ne leur accorde pas la possibilité d'aller jusqu'au bout de ce programme-là qui a été lauréat. Et effectivement, en cette période, parce que ça ne vous a pas échappé, de crise Covid-19, il est très difficile pour eux de trouver un utilisateur final. Donc, moralité, il y a cette clause suspensive de 18 mois. Sincèrement, j'espère qu'on ne l'utilisera pas. J'espère que réellement, ils vont trouver un utilisateur final. J'espère sincèrement qu'on va sortir de cette crise sanitaire. Et très clairement, qu'on aura un beau projet qui sortira de terre dans le domaine tertiaire, à cet endroit-là qui jouxte le périphérique et qui deviendra un totem comme le sont les mercuriales aujourd'hui. Monsieur Vianney. Oui, je peux juste redire un mot, parce qu'on peut dire des choses un peu générales et que vous nous disiez que vous êtes de méchants garçons avec les promoteurs. Mais là, on est sur une délibération précise et pas sur des propos généraux. Il y a quand même plusieurs aspects. Il y a un premier aspect, c'est qu'il y a quand même un peu, comment je vais le dire, pas trop durement, mais il y a un peu de mensonge sur la chose vendue, puisque quand même, Vinci, pour ce que j'en ai compris, a répondu à cet appel à projet en disant qu'il allait faire un projet waouh, innovant, avec de la haute couture, de l'incubateur, du commerce original, etc., etc. Là, aujourd'hui, on a l'air d'avoir, si je vous ai bien écouté, plus beaucoup de garanties. D'ailleurs, vous disiez vous-même un peu de déception. Et donc, ça risque de finir quand même en immeuble de bureau classique. C'est d'ailleurs ce qui est écrit dans la délibération. Pour un prix qui est quand même, parce que mon collègue Sébastien Stellin se disait, même sur Bagnolet, les montants de charges foncières, d'ailleurs quelque part malheureusement, hein, parce que c'est ce qui rend aussi l'accès au logement de plus en plus compliqué sur notre ville, les valeurs foncières depuis 2017-2018 que cette affaire a été lancée ont monté en flèche. Et là, on est sur des valeurs foncières qui se baladent autour de 500 euros du mètre carré, si je ne m'abuse. Et à la limite, on peut admettre, justement, dans une logique de dispositif innovant comme un réinventé, qu'on dise parce qu'il y a une originalité programmatique, une innovation, et que c'est justement pas le programme immobilier de tous les matins, on peut imaginer de dire la collectivité vend moins cher. Ça peut porter à discussion, mais ça peut s'entendre. Là, c'est vrai qu'on finit avec un projet dont on a un peu l'impression qu'il se déshabille dans son ambition, où en plus il faut repayer des coûts divers et variés, et un montant de charges foncières qui est toujours celui de départ à peu près, alors que les prix ont quand même beaucoup augmenté depuis. Voilà, c'est factuel, ça, c'est pas des grands discours sur l'attitude globale vis-à-vis des promoteurs. Qu'on parle parcelle, projet, mais le site de l'ancien marché à la ferraille, et vous en conviendrez, légèrement contraint. Et c'est les contraintes qu'entraîne ce site qui font que ce soir, on est amené à essayer de proroger la promesse de vente et à accepter un certain nombre de compromis avec le promoteur. Si on était sur une autre parcelle, on n'aurait pas le même type de contraintes, on ne s'embêterait pas, peut-être qu'on mettrait un terme au projet. Là, aujourd'hui, la difficulté elle est essentiellement là. Ensuite, moi, je veux bien qu'on me dise que les frais de dépollution ne sont pas à la charge du vendeur, mais plutôt, d'autres éléments. Si vous voulez, s'ils ne sont pas à la charge du vendeur, ils sont défalqués du prix de vente. Moi, en tant qu'il y ait des grands spécialistes de tout, mais si vous voulez, à un moment donné, s'il y avait des recettes mirobolantes, fut un temps envisagées sur le terrain d'Ipif le chien, c'est parce qu'à l'époque, il y avait des projets très denses de tours. Aujourd'hui, on ne veut pas construire de tours, donc il y a des frais de dépollution importants, et forcément, on est obligé de revoir le type de projet, qui s'adapterait par exemple mieux à des frais de dépollution, mais ça on en discutera ultérieurement du terrain pif le chien. Monsieur Stalen. Enfin, pour répondre un petit peu aussi à votre intervention, je pense que Bagnolet est très intéressant pour les promoteurs, même s'ils nous détestent, ou s'ils te détestent, ou détestent tout le monde. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ici, ils ont des ambitions qu'ils n'ont pas partout ailleurs. C'est-à-dire qu'on est une ville où il y a un fort taux de plus-value attendue. C'est pour ça que des promotions comme celle de l'usine Belin, par exemple, a pu voir le jour. Je vous rappelle qu'à l'époque, il y a 3 ans, la commercialisation se faisait à 7000 euros du mètre carré. Tout le monde était affolé, tout le monde ne comprenait pas, mais ça s'est fait, ça s'est vendu, et aujourd'hui, on est à des prix tout à fait corrects. Et les promoteurs le savent. Une Bagnolet est une mariée très belle. Aujourd'hui, ils ont des ambitions de construction. En développant une construction de 2500 euros du mètre carré, on peut revendre, grosso modo, en doublant ou en triplant ici. En doublant minimum. c'est un intérêt que très peu de villes ont. Aujourd'hui même, quand un site est sous contrainte, comme celui du marché aux ferrailles, ils ont l'habitude, les promoteurs, ils savent techniquement faire. Ils vous mettent en face de choses techniques très, très compliquées, comme par exemple ces fondations spéciales. Qu'est-ce que 250 000 euros de fondation spéciale représentent sur une parcelle de 842 mètres carrés ? J'ai un client qui a fait renflouer une maison aux fleurs pour 160 000 euros. Une maison. Donc c'est indiqué, mais c'est pas important pour un promoteur. Les 300 000 euros de dépollution, c'est pas non plus important. Ça fait partie du jeu. Ils négocient, ils prennent ça, ils donnent ça. Voilà, c'est une négociation. Et je pense qu'on était dans une position de force à Bagnolet, parce que justement, on a un fort potentiel plus-value pour justement peser un peu sur ces promoteurs. Je pense qu'on aurait pu ne pas payer ces 300 000 et j'aimerais qu'on ne les paye pas d'ailleurs. En tout cas, si c'est possible. Bah, j'espère qu'on ne les paiera pas, puisque il y a un retour à mauvaise fortune. À meilleure fortune, pardon. Lapsus. Mauvaise fortune pour le promoteur. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Je vous remercie. Délibération suivante, adhésion au réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire. Jonji. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Donc, il s'agit d'une délibération concernant l'adhésion de la ville de Bagnolet au réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, le RTES. Donc, c'est une association 1901. Comme vous savez, donc, le domaine de l'économie sociale et solidaire, il est cadré par la loi de 2014, 31 juillet, dite loi Hamon. L'économie sociale et solidaire, donc, il se définit comme une branche d'économie qui regroupe des entreprises, organisations telles que des associations, coopératives, mutuelles, qui concilient l'activité économique et équité sociale. Donc, il s'agit de pour aider le développement de l'ESS sur notre territoire. Il paraît essentiel de travailler avec des partenaires d'autres collectivités. Est Ensemble est un partenaire évidemment privilégié. D'ailleurs, il a la compétence sur cette thématique. Donc, l'adhésion à ce réseau permettrait à la commune de faire connaître ses politiques et ses actions à travers les publications de RTES, échanger aussi lors des rencontres nationales avec d'autres élus et techniciens, contribuer au projet de loi, décret des institutions nationales, européennes et internationales, et s'informer sur les actualités du RTES. Il s'agit aussi, bien sûr, d'une plateforme à la fois de mettre en contact tous ces acteurs, justement, des autres collectivités, les élus et les agents aussi. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver cette adhésion afin d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention. Merci. Merci, Djongji. Des interventions ? Pas d'intervention. Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération 22, tarification de la taxe de séjour 2022. Djongji, Olivier, Djongji. Marie. C'est moi. Pas de souci. Bonsoir. Alors, la tarification de la taxe de séjour pour l'année 2022. Alors, ce que nous avons mis en place, la ville de Bagnolet a mis en place une tarification au niveau de la taxe de séjour. Et ce soir, nous souhaitons que le conseil municipal accorde le maintien de cette tarification. Pourquoi ? Parce qu'au niveau le secteur hôtelier a été largement impacté avec cette crise sanitaire. Certains hôtels ont dû fermer leurs portes. D'autres qui fonctionnaient à 70% ont dû réduire, se sont retrouvés à 10% de remplissage au niveau de leur hôtel. Alors, avec le maintien de cette taxe de séjour, il n'y aura pas d'impact au niveau au niveau du secteur hôtelier. C'est uniquement les clients qui auront cette taxe à régler. Alors, pour accompagner le redémarrage du secteur hôtelier, nous souhaitons maintenir cette taxe au tarif actuel. La seule augmentation qu'il y aura, ce sera au niveau des palaces. En sachant que notre ville n'a pas de palace, c'est une tarification qui... non. Oh ben ouais, on est, voilà. Et alors, en fait, c'est pour les autres, c'est pour les établissements non classés, c'est-à-dire tout ce qui est meublé, Airbnb et autres, qu'on retrouve uniquement au niveau des plateformes. Et cette taxe sera par personne de 4,20 €. Voilà. Merci, Marianne. Des remarques, des observations? Je propose de passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération suivante. Demande de concours du Fonds social européen auprès du Conseil départemental pour l'action accompagnement 2021 des bénéficiaires du RSA pour le projet insertion emploi de la ville de Bagnolet dans le cadre de la référence RSA. Manon. Bonsoir, merci. Donc, il nous est demandé ce soir d'approuver la demande de concours auprès du Fonds social européen pour l'année 2021. Donc, cet appel à projet répond au cadre légal et à la référence du RSA sur l'accompagnement, la contractualisation aux équipes pluridisciplinaires ainsi qu'en concertation locale. Il en définit également les modalités d'accompagnement des allocataires du RSA au sein du projet insertion emploi de la ville de Bagnolet, la composition de l'équipe ainsi que les résultats attendus. À cet effet, l'appel à projet pose trois objectifs définis en tenant compte du contexte sanitaire. Le premier objectif est le nombre de contractualisations. En l'état, l'objectif est fixé à 523 contrats d'engagement réciproque signés. Le second objectif est le nombre de fiches de positionnement signées par les bénéficiaires. C'est-à-dire qu'on va attendre que les 523 personnes qui auront signé leur contrat d'engagement réciproque aient pu recevoir une action personnalisée, qui peut être une proposition de formation, une proposition d'emploi ou d'atelier. Et enfin, le dernier objectif est le nombre de sorties en emploi du dispositif d'accompagnement, soit 10%, ce qui représente environ 52 personnes. On peut également noter que pour que ce nombre de retours à l'emploi soit rendu possible, nous travaillons sur trois grands axes qui seront pour nous des leviers de retour à l'emploi, à savoir le projet Territoire zéro chômage de longue durée, dont le cahier des charges précisant les modalités... Les modalités de candidature pour entrer dans la deuxième phase de l'expérimentation a été publiée ce vendredi 11 juin. Le deuxième levier pour nous est le fait de faciliter l'implantation des structures d'insertion par l'activité économique sur notre territoire. Et enfin, le troisième est un projet que nous souhaiterions pérenniser, car il a très bien fonctionné, c'est le fait d'avoir permis à 15 femmes la semaine dernière d'avoir pu se former au métier de la sécurité. Donc on avait nommé ce projet des femmes en sécurité. L'idée est de continuer à un rythme régulier, de permettre à d'autres femmes de se former sur d'autres secteurs d'activité. Voilà. Merci Manon. Des remarques, des observations? Je propose de passer au voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Je vous remercie. Convention contrat de ville pour les actions de santé 2021. Grégoire. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc c'est l'occasion de revenir sur des actions qui sont menées au sein du centre municipal de santé et également dans la ville, dans le cadre de cette subvention donc de 46 000 euros donc, qui finance des actions extrêmement importantes en termes de prévention. Tout d'abord, prévention de l'obésité. Comme je vous l'indiquais dans un précédent conseil municipal, l'obésité est un enjeu majeur à Bagnolet. Un tiers des enfants dépistés dans les écoles ont un surpoids ou sont obèses. L'idée est de mettre en place notamment des ateliers d'accompagnement au sein du centre municipal de santé, avec notamment le recrutement d'une diététicienne. Cette diététicienne suit actuellement plus de 120 patients en consultation individuelle. Elle a créé également des ateliers collectifs en coordination avec la Fédération française Sport pour tous, et également la psychologue des troubles du comportement alimentaire a mené de nombreux entretiens. Donc c'est plus de 260 personnes qui sont accompagnées sur les troubles alimentaires. Donc voilà une action très forte de la ville sur la prévention de l'obésité à travers ce financement. Le deuxième financement, c'est la coordination atelier santé-ville qui vise notamment à favoriser l'accès aux soins et notamment dans les quartiers les plus précaires. Cette année, ces financements ont notamment été mobilisés dans le cadre de la crise Covid à travers les différentes actions qui ont pu être menées, et notamment les actions de tests, de dépistage, et également les actions, le succès de l'action sur la vaccination au pied des tours, en coordination avec la caisse primaire d'assurance maladie, qui a vu presque 500 bagnoletaises et bagnoletais qui sont venus se faire vacciner dans leur quartier, donc à l'Anou, la Capsulerie, et le dernier, les Malassis, voilà, dans le gymnase Maurice Baquet, bien connu de tous. Voilà, et le dernier axe, qui est un axe également très fort, et on aura l'occasion d'y revenir en octobre, mais voilà, les actions de prévention et à la santé des femmes, notamment en quartier politique de la ville, à travers un dispositif santé des daronnes, donc qui avait débuté en premier trimestre 2020 avec le recueil notamment des besoins des femmes dans les quartiers populaires, et qui a été interrompu à cause de la crise Covid, mais donc qui sera relancé à la rentrée 2021. Et qui permettra de mettre en place tout un dispositif pour essayer de promouvoir l'accès aux soins des populations qui sont les plus éloignées du système de santé. Et puis il y aura également la coordination avec les actions dans le cadre d'Octobre Rose et de prévention et le dépistage du cancer du sein. Voilà, je vous remercie. Merci Grégoire. Des remarques, des observations ? Propose de passer aux voix. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient? C'est approuvé. Je remercie. Adoption de la convention du service commun du système d'information géographique territoriale avec l'EPT Est Ensemble, ISEN. Merci, monsieur le maire. Très chers collègues, bonsoir. Donc, cette convention a là pour but de mettre en place un système commun d'information géographique territoriale. Donc, cette convention ne concerne pas seulement Bagnolet, mais les 9 communes membres d'Est Ensemble. Ce système d'information géographique, ou encore SIC, permettra de consulter les caractéristiques du territoire à travers des cartographies dynamiques et interactives. Elle permettra aussi d'accéder à des outils de cartographie dédiés à certains process métiers, je pense notamment aux agents de la ville. Certains process métiers tels que la voirie, les assainissements, la gestion des déchets et l'urbanisme. Cette convention-là permettra aussi de disposer d'un jeu de données géographiques qui faciliteront l'analyse de données et le traitement des données. On va pouvoir compiler différents types de données tels que certaines données de l'INSEE, des photos aériennes et les données produites par le SIG. Enfin, on pourra proposer une lecture territorialisée des indicateurs de pilotage, des politiques publiques et de la gestion de la relation usager. Donc le SIG, il permettra de recueillir, stocker, traiter et analyser toutes les données recueillies. Ces données-là permettront de favoriser la prise de décision intelligente. C'est un projet collectif qui se construira en prenant en compte la réponse aux besoins des utilisateurs. Il faudra pour ce faire établir un lien continu entre les directions opérationnelles et la gouvernance stratégique et technique. Le projet SIG s'inscrit dans une stratégie de pilotage des données portée par Est Ensemble. Cette stratégie-là, elle a pour but de fiabiliser le processus de collecte, de structurisation, de sécurisation quant à la diffusion de ces données-là. Donc ce projet, il est primordial parce que, dans un premier temps, c'est le premier projet qui rassemble toutes les communes d'Est Ensemble. Et va permettre de développer et de proposer de créer un service commun du SIG territorial. Le service il sera piloté par ses membres, dont l'adhésion passera par la signature de cette dite convention qu'on présente aujourd'hui. Donc, concernant la gouvernance, le financement et la durée de la convention, les décisions concernant la mise en œuvre et le développement du SIG sont prises par l'ensemble des membres signataires de la convention. Donc nous-mêmes, Bagnolet, si on vote aujourd'hui, et les 8 autres États membres. Donc les membres, ils se réuniront en comité de pilotage lors d'une réunion annuelle adressée à tous les utilisateurs et agents intéressés. Un bilan annuel sera produit sur les activités du service du SIG et présenté au comité de pilotage. L'ensemble des ressources informatiques et RH nécessaires au bon fonctionnement du SIG, hors poste informatique, seront financés par les communes membres. Le budget annuel sera déterminé dans le cadre des financements votés en commission locale d'évaluation des charges territoriales. Donc, le SIG, il sera créé le 1er juillet 2021 pour une durée d'un an. D'accord ? C'est une convention qu'on est amené à faire évoluer en fonction des besoins des membres d'Est Ensemble et des utilisations. Et cette création de cet organe d'Est Ensemble, il a pour but de servir les communes membres. Merci à vous. Merci, Sen. Des remarques, des questions ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Je vous remercie. Donc, nous avons deux vœux qui sont proposés au conseil municipal. Le premier concerne le bassin de remploi, la piscine. Mona Bellil. Ouais. C'est concernant les logements sociaux au Malassis. En fait, suite à notre sollicitation, l'association... Il y a des vœux. Si c'est une question précise, vous donnerez la parole après. Mais ah bien, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais... Voilà. Mona. Monsieur le maire, chers collègues. Du coup, je vais contextualiser un peu l'origine du vœu. Paris 2024, qui est le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques qui tiendront en Ile-de-France et particulièrement en Seine-Saint-Denis, dans sa gestion de projet, pense à l'après JO et donc au réemploi des installations sportives qui auraient été créées toutes pièces pour cette manifestation. Et donc, dans le cadre de ce réemploi des installations d'équipements sportifs, ils ont lancé un appel à manifestation d'intérêt pour réutiliser ces équipements. Donc, du coup, Est Ensemble, le PT d'Est Ensemble s'est porté candidate. Et à travers elle, Bagnolet, puisqu'en fait, elle s'est portée candidate dans le cadre pour réemployer donc ces bassins dans le cadre de la reconstruction de la piscine des Malassis. Est Ensemble a validé. Donc, pour le dossier de candidature, en fait, il fallait deux choses pour acter cette candidature. Paris 2024 demandait parmi les pièces exigées une délibération d'Est Ensemble, puis un vœu de la ville. Donc, Est Ensemble a délibéré fin mai dernier. Donc, ça, cette étape est faite. Et aujourd'hui, je vais vous délivrer du coup le vœu qui s'inscrit dans ce projet. Donc, il s'agit d'un vœu portant manifestation d'intérêt pour le réemploi d'un bassin temporaire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 dans le cadre de la reconstruction de la piscine des Malassis à Bagnolet et le soutien à la candidature formulée par Est Ensemble à cet effet. Considérant la cohérence de la démarche proposée de réemploi d'un bassin avec l'engagement de l'EPT Est Ensemble et de la ville de Bagnolet en faveur de l'économie circulaire, considérant l'action volontariste de l'EPT en faveur du sport pour tous et du savoir nager, matérialisée notamment par le développement d'un partenariat avec la Fédération française de natation ou la mise en place des classes bleues, considérant la nécessité pour Est Ensemble d'investir dans la reconstruction de nouvelles piscines dans le quartier des Malassis à Bagnolet, dans le cadre du programme de renouvellement urbain validé par les habitants du quartier et présenté au comité d'engagement de l'Agence nationale de la rénovation urbaine afin de maintenir une haute qualité de service pour tous les usagers, considérant la nécessité de saisir les opportunités permettant de limiter les coûts de construction d'un nouvel équipement aquatique sur le territoire grâce à la réutilisation à titre gratuit des éléments d'un bassin d'entraînement utilisé lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, considérant les études préalables ayant confirmé la faisabilité technique du réemploi d'un bassin provisoire dans le cadre de la construction d'un nouvel équipement aquatique, considérant le manque d'équipements sportifs de la Seine-Saint-Denis et la nécessité de garantir un héritage des JOP pour l'ensemble du département, et non uniquement sur les sites de compétition, considérant le prestige symbolique associé au réemploi d'un équipement utilisé pendant les Jeux de Paris 2024 pour les futurs usagers de ce bassin, vu la délibération numéro CT 2021-05-25-2 du 25 mai 2021 du Conseil du territoire d'Est Ensemble, le Conseil municipal de Bagnolet manifeste son intérêt pour le réemploi d'un bassin temporaire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 dans le cadre de la reconstruction de la piscine des Malassis, soutient la candidature de l'EPT Est Ensemble à cet effet dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt, donc l'AMI, lancé par Paris 2024, l'État et le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Je vous remercie. Merci Mona. Des remarques ? Alors, Solène Bouris, Anne de Rugy, Abdelkrim Karmaou. Évidemment, nous allons voter ce vœu, mais Je pense qu'on aurait pu faire la même chose avec le gymnase de la briqueterie. Je l'ai toujours dit, je trouvais ça quand même regrettable qu'on n'ait pas saisi justement l'occasion, d'autant plus que nous avons quand même des lutteurs, nous avons des champions olympiques et du monde. Donc on aurait pu aussi saisir cette occasion pour justement accueillir les lutteurs internationaux pour pouvoir s'entraîner. Ça aurait été aussi prestigieux pour la briqueterie. Mais on aurait aussi bénéficié, peut-être, on aurait pu tenter aussi ce même type de projet. Merci. Et j'ai pas compris, en fait, Solène. Non, sincèrement, non, je comprends pas. Là, c'est un vœu pour justement... excusez-moi, c'est... Pour bénir... Oui. Est-ce que je donne la parole à Abdelkrim, peut-être, pour expliquer le sens de la démarche avec Est Ensemble? Tu interviens après ou... Non, bah, vas-y. Ouais, bonsoir à tous et à toutes. En fait, on peut se féliciter, c'est la première fois. Bon, moi, je suis fier de l'annonce ce soir. On a décidé de construire une nouvelle piscine à Bagnolet. Donc ça, c'est décidé. Des négociations entre Monsieur le maire et le président d'Est Ensemble. Et donc la décision prise, on va construire une nouvelle piscine. Le temps de construire cette piscine, on doit quand même maintenir l'ancienne. Parce qu'elle est dans un état que tout le monde connaît. Donc, on investit de l'argent de l'État pour rénover cette piscine. Donc, ça va durer 3 mois. La fermeture est déjà... la piscine est déjà fermée. Les travaux ont commencé. Elle rouvrira le 29 août. Elle va ouvrir le mi-septembre, parce que le 29 août, c'est la fin de la piscine éphémère qui va être installée à la briqueterie. Je récapitule en disant que il y a la construction qui est prévue, les services d'Est Ensemble sont déjà sur le coup, et il y a la rénovation qui se fait en même temps de l'ancienne piscine. Ce que je voulais dire par rapport à la question de la rénovation, c'est qu'on ne pouvait pas faire, parce qu'il y avait plein de questions qui étaient posées sur Facebook, on ne pouvait pas faire les travaux parce que les sociétés ne pouvaient pas assurer pendant la période du Covid les travaux. Et en même temps, on ne pouvait pas non plus ouvrir la piscine. Donc moi, j'ai essayé de répondre aux questions sur Facebook et je pense qu'on va y arriver. On va faire les travaux comme il faut, et puis voilà, si vous avez des questions. Anne de Rugy, ensuite je redonne la parole. Oui, juste un petit mot, je pense avoir compris la question qui est un peu différente, la question de Solène Le Bourris. Sur la piscine, je voulais juste dire un mot, puisqu'on a quand même porté ce projet, là il s'agit du recyclage et du réemploi de bassins d'entraînement qui seraient à Nanterre, et donc le COJO a proposé de léguer ces bassins spécifiquement à la Seine-Saint-Denis, puisque la Seine-Saint-Denis est le département de l'Île-de-France qui est le moins doté en piscine. Donc avec l'idée qu'il y a un leg des Jeux olympiques au département de Seine-Saint-Denis et qui est aussi effectivement l'idée que ces bassins peuvent avoir un certain prestige et puis une visée écologique qui est le réemploi plutôt que de les jeter. Il faut savoir que financièrement, donc le leg est gratuit. Mais ensuite, là, c'est Est Ensemble qui va en bénéficier. Donc, c'est assez compliqué techniquement parce que les frais de stockage sont aux frais du bénéficiaire. On est content du geste politique de réemploi et de recyclage, mais il faut que les travaux coïncident parfaitement pour que les frais de stockage soient les moins importants et qu'à la fin, pour le PT, ce ne soit pas quand même plus cher que si ça avait été du neuf. Même si l'idée, c'est vraiment là le réemploi et le fait que l'empreinte écologique des jeux soit aussi la plus faible possible. Donc là, il y a 3 bassins de 50 mètres et il y a la possibilité de les scinder. Donc ce serait un bassin de 25 mètres qui serait, dont Bagnolet pourrait être bénéficiaire avec une autre ville, je crois, de l'EPT, il me semble que c'est Noisy, qui serait à peu près dans la même situation que Bagnolet avec la reconstruction d'une piscine. Ensuite, la question, je pense, portait plutôt sur la candidature de Bagnolet comme, pouvant accueillir des entraînements, je suppose. Bon, là, j'ai pas forcément la réponse, mais je sais que les exigences, voilà, c'est les villes peuvent candidater. Après, il y a un certain nombre de normes. Je sais que Montreuil, par exemple, candidate pour le bassin d'entraînement de la piscine olympique qu'ils ont. Ça nécessite parfois des travaux. Bon, voilà, c'est pas forcément tout à fait simple pour les villes. Et finalement, c'est quand même pas les villes qui ont le dernier mot. Elles mettent à disposition, mais voilà. Donc, je ne sais pas, j'ai pas forcément la réponse sur Bagnolet. Et enfin, voilà, ce qui a été dit, je pense que tout le monde s'est rendu compte que la piscine actuelle pose de gros problèmes, puisqu'elle est fréquemment fermée, enfin, fréquemment, je veux dire, une fois par an, c'est quand même assez important. Et qu'elle nécessite des travaux, et que est-ce qu'ensemble a accepté de faire des travaux là de maintenance pour qu'elle puisse, qu'il y ait toujours une piscine qui reste ouverte à Bagnolet. Donc c'est un peu l'idée aussi du bassin, là aussi éphémère, qui sera installé à la briqueterie, oui c'est ça, à la briqueterie cet été, pour pouvoir pallier la fermeture de la piscine et qu'il y ait quand même des activités de natation, et notamment centrées sur l'apprentissage de la nage, pour les enfants de Bagnolet pendant la fermeture. Et ensuite, au mois d'août, la piscine pourra réouvrir avec des travaux assez importants, mais c'est nécessaire pour que la piscine reste ouverte jusqu'à la construction de la deuxième piscine dans le cadre de l'ANRU. Là aussi, je pense que c'est à peu près acté que c'est un investissement prioritaire pour Est Ensemble. Voilà, merci. Non, on finit d'abord peut-être sur la piscine, non ? Juste un mot. Effectivement, évidemment que nous voterons, comme l'a dit Solène, a fortiori avec cette question du réemploi sur laquelle on est déjà intervenu à plusieurs reprises. Par contre, je me permets une petite observation générale qui sort de Bagnolet. C'est très bien, c'est sympathique, mais c'est vrai que ce qu'on peut constater globalement, c'est que ces jeux vont laisser beaucoup moins de legs positifs à la Seine-Saint-Denis qu'on aurait pu l'espérer. Quand je me souviens, par exemple, de ce que le territoire de la plaine Saint-Denis avait négocié bien au-delà des installations sportives, mais des infrastructures de transport, des aménagements d'espaces publics, etc., des financements de développement de quartiers, etc., etc. C'est vrai que là, on peut, je pense, quand même constater ensemble que le leg des Jeux 2024 va être bien léger et bien en dessous de ce qui avait été promis. D'accord. Excuse, je m'en étais mal exprimé, mais c'était dans ce sens-là, en fait. On aurait pu, en fait, saisir cette opportunité-là pour... Mohamed Jenam. Au fait, je voulais revenir au logement social des Malassis. Parce que suite à notre sollicitation et à celle de l'association CNL, vous avez écrit à l'ANRU concernant le refus de voir démolir ces logements et demandé une rencontre avec l'ANRU. Donc, la première question, est-ce que vous avez une réponse ? Sinon... s'il n'y a pas de réponse, donc on vous propose ce soir de réunir une délégation associant les locataires, la CNL, bien sûr, les élus de la majorité et de l'opposition, et d'aller ensemble chercher cette réponse. Et si oui, s'il y a une réponse, donc on souhaite qu'on mette sa délégation dans les mêmes conditions. Voilà. Merci. Et non, je n'ai pas eu de réponse. Le comité d'engagement de l'ANRU a lieu le 7 juillet dans des conditions un peu particulières de semi-présentiel et semi-visio. On est en train de regarder, puisque il y a possibilité d'associer des membres du conseil citoyen et du conseil de quartier, les éléments juste avant de rentrer en conseil municipal par le cabinet du président d'Est Ensemble. Donc on va regarder, je sais que Montreuil va associer des représentants de conseil de quartier et de conseil citoyen. Donc je pense qu'on va faire la même chose, ce qui me permettra... alors après, on peut toujours organiser on peut toujours y aller manifester ensemble, mais je pense que essayer d'associer des représentants, des habitants, comment on peut dire représentant les, différentes sensibilités, qui ont différentes sensibilités sur le projet, différentes appréciations, ça pourra permettre de porter la voix des résidents du quartier. Voilà. Donc la formation date de 19h15 ou 19h. On va regarder comment faire au mieux pour porter cette voix sans remettre en cause la validation du projet, comme j'ai eu l'occasion de le dire aux habitants des 37 et 45 curies qui s'inquiétaient. Et je précise que contrairement à ce que raconte une éminente personne qui réside au 49 curies, il n'est pas question de démolir le 49 curies. Et comme c'est quelque chose qui se dit de manière assez insistante auprès des locataires, je préfère le dire à cette occasion ce soir, ça me paraît important. Donc je vous propose de passer aux voix sur le vœu. Qui est pour ce vœu? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est approuvé. Je vous remercie. Le vœu suivant concerne le maintien d'une classe à l'école maternelle Jean Jaurès. Frédéric. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, c'est un vœu relatif au maintien de la 8e classe de l'école maternelle Jean Jaurès à la rentrée scolaire 2021. L'année dernière, si vous vous souvenez, la mobilisation des parents de la municipalité de l'éducation nationale avait permis la réouverture d'une 8e classe qui avait un temps été fermée pendant l'été à l'école maternelle Jean Jaurès. Malheureusement, pour la rentrée de septembre 2021, la fermeture de cette classe se dessine à nouveau, ce qui, pour nous, n'est pas acceptable. En effet, cette école maternelle est située en un réseau d'éducation prioritaire. Elle a besoin, comme toutes les écoles de la ville, des moyens humains et matériels suffisants pour fournir à nos enfants une éducation de qualité à laquelle ils ont droit et qui est particulièrement importante lors de leurs premières années de scolarité. De surcroît, la maternelle Jaurès connaît une situation spécifique avec un peu plus de 9% de ses élèves en situation de handicap. Pour permettre l'inclusion de tous les élèves dans un contexte de moyens humains insuffisants, notamment en termes d'AESH, cette école devrait recevoir une attention particulière de l'éducation nationale. Fermer une classe dans une école qui œuvre avec peu de moyens à l'inclusion de toutes et tous est un bien mauvais signal sur lequel l'éducation nationale doit revenir de toute urgence. Fermer une classe dans une ville populaire de l'Est parisien, après le lourd tribut payé par la Seine-Saint-Denis durant la crise sanitaire et la mobilisation sans faille du service public pour faire face à cette pandémie inédite, n'est pas responsable. La municipalité se tient donc aux côtés des parents mobilisés pour que l'école de la République soit l'école de toutes et tous et soit dotée des moyens nécessaires à son bon fonctionnement. Je voudrais ajouter pour votre information que nous étions ce matin avec monsieur le maire, avec monsieur Desnouel à l'éducation, adjoint à l'éducation, et Brigitte Delapérelle au handicap, présent aux côtés de la communauté scolaire à l'école Jean Jaurès, pour protester et soutenir cette mobilisation. Nous avons informé la communauté scolaire des effectifs prévus à la rentrée prochaine, qui sont de 183 élèves prévus à la rentrée. Et donc, si on supprimait une classe, ça ferait sur 7 classes. Vous divisez 183 par 7, vous arrivez à 26,1 élèves par classe, ce qui est bien au-dessus des seuils. Donc, cette décision est d'autant plus incompréhensible. Et effectivement, la situation de l'école Jean Jaurès est particulière. Nous attendons, là encore, ce sont des prévisions, 5 enfants en situation de handicap dans les petites sections, ce qui amènerait les effectifs à 18 enfants en situation de handicap, ce qui nous amène à 10%, ce qui est relativement élevé par rapport aux autres établissements scolaires de la ville. Donc, ce qu'on vous propose ce soir, c'est que le conseil municipal exprime son soutien à la mobilisation des parents, salue l'implication quotidienne dans cette école des personnels techniques municipaux ATSEM et communauté éducative, soutient la démarche d'interpellation du DSDEN 93 initiée ce lundi par le maire de Bagnolet. Donc il y a un courrier qui est parti lundi et un courrier qui est parti aujourd'hui avec des précisions sur les effectifs, puisque le comité technique qui est chargé de statuer sur ces décisions aura lieu demain matin. Et nous appelons à relayer au mieux auprès de l'éducation nationale la demande légitime des parents mobilisés qui demandent le maintien d'une 8e classe de maternelle dans le groupe scolaire Jean Jaurès à la rentrée 2021. Je vous remercie. Merci Frédéric. Des remarques, des observations, monsieur Djellan? Oui, évidemment, nous soutenons ce vœu et nous le votons. J'aimerais rajouter quelque chose. Frédéric, tu le sais, longtemps, on a été parents d'élèves à la FCPE. Ce qui marche et ce qui nous permet d'obtenir des choses, c'est quand on se déplace à Bobigny. Donc, ce que je propose, c'est que nous, élus, majorité et opposition, on accompagne les parents d'élèves en délégation, une forte délégation, à Bobigny pour voir l'inspecteur essayer d'arracher le maintien de cette classe. Qu'on fasse cette proposition-là, qu'on y aille ensemble. Ben, y a une manifestation demain à midi. Alors, si oui, alors, pour être précis, les parents ont expliqué ce matin, lors de notre rencontre, qu'ils avaient demandé audience, qui avait été refusée. Et donc, quand l'audience est refusée, ce qui est proposé, puisqu'il y a une mobilisation globale de la FCPE sur la Seine-Saint-Denis, demain, après le comité technique, donc à midi à la DESDEN à Bobigny, avec des casseroles, si j'ai bien compris. Et effectivement, on peut inviter les élus qui le souhaitent, qui le peuvent, à s'y rendre. Et évidemment, les parents d'élèves qui sont concernés vont se déplacer demain à midi à la DESDEN. Et que la ville mette les moyens pour les parents qui veulent se déplacer, éventuellement, comme on l'a fait par le passé. C'est-à-dire un quart, c'est ça ? On peut regarder demain matin, bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour, se veut ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. La séance est levée. Je vous remercie. Merci.